sortie d'outils, d'accord. T'as enregistré la présentation? Non, bah voilà, c'est pas. Ouais. Bah non, mais sinon on va attendre Pierre qu'il installe tout et puis on lance. T'as lancé l'enregistrement là? Bon. Donc. voilà. Donc bonjour à tous, il va nous faire un atelier sur l'idéologie de la science. Donc je te passe le micro et puis si tu présentes ton format et tu voilà, à toi. Bon bah je vous remercie hein, de m'avoir invité, comme ça permet d'avoir du public. Ok, bah merci bien. Un truc, on se présente pas ici, c'est pas, c'est comme on veut. D'accord. D'accord. Bon bah alors je vais essayer, mais c'est difficile. Ça va être difficile. Alors, donc je m'appelle Julien Roy de Mazit, je suis philosophe et mon parcours, c'est d'avoir travaillé d'abord en philosophie quand j'étais très jeune. Ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans le milieu de la recherche, notamment à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans le milieu associatif. J'ai travaillé en particulier en tant que membre du conseil scientifique d'ATAC. Et j'ai milité contre les OGM. J'ai été un des fervents militants anti-OGM. Et j'ai travaillé entre autres sur la loi sur les biotechnologies qui est la transcription d'une directive européenne. Donc voilà. Et ensuite, j'ai quitté le milieu associatif, enfin en grande partie, parce que j'y suis toujours. Hein. Technologos, quelques associations encore. Et donc voilà, et puis aujourd'hui donc je vais vous parler de la science, hein, de l'idéologie de la science après l'idéologie de l'argent. Donc c'est sûrement lié. Hein. Oui, voilà, c'est mon format plutôt. Hein. Je voulais présenter aussi mon format. Vous pouvez intervenir durant mon intervention. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir directement, ça ne me dérange pas énormément. Ensuite, il faut que ça reste dans le cadre du sujet de préférence. Hein, et voilà. Mais autrement, il s'agit d'une conférence partagée, donc il n'y a pas de problème. Hein, moi, je reçois les questions en cours de route. Et vaut mieux parce que c'est comme ça risque de durer un peu de temps. Après, on risque de s'ennuyer ou de manquer des choses importantes. Alors, donc voilà. Bon, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont fait des mathématiques ici. Hein. Certains d'entre vous, là, pardon? Au lycée, c'est tout? Ouais? Non? Bon, ça va, alors j'ai pas trop de risques alors, hein, parce que on leur montre quand même, hein, Adèle? On leur montre, hein, quand même. Donc voilà, alors j'ai eu la médaille des mathématiques du CNRS. Donc ça correspond à la médaille Fields, hein, pour ceux qui connaissent, ou le prix Nobel. Hein, c'est le prix Nobel, mais pour les mathématiques. Voilà. Pardon? Ah non, mais voilà, mais c'est toi qui m'avais demandé, hein, tu m'avais demandé de mettre mon habit de scientifique. Pardon? Ah oui, non, effectivement, mais la médaille c'est beaucoup plus importante que la blouse blanche. Donc voilà, donc vous voyez, elle est en or. Ah merde, attends 2 secondes. Non, c'est. Ah merde, je me suis trompé. C'est la médaille de la course du Luxembourg. Bon, pas grave, excusez-moi, mais enfin, en tout cas, je suis arrivé dans les premiers, donc méfiez-vous quand même. Hein, ceux qui veulent me faire des objections, qu'ils fassent attention, parce que même si en mathématiques, c'est pas ça, je cours vite. Donc voilà, alors tout ça pour dire que la science fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire qu'elle fonctionne aussi sous forme de hiérarchie. Les gens s'imposent avec leur statut. Donc la science ne fonctionne pas simplement de façon objective. Donc si vous voulez une illustration, par exemple, Monsieur Gilles de Gennes, vous avez eu le prix Nobel de physique, que pensez-vous du café Jacques Vabre? Ah, le café Jacques Vabre, mais c'est délicieux le café Jacques Vabre. Moi, j'en bois tous les matins, c'est vraiment délicieux. Oui, vous êtes sûr d'être très objectif? Mais je suis parfaitement objectif, j'ai le prix Nobel de physique. Bon, alors voilà une première illustration, si vous voulez, hein. Voilà une façon de s'imposer. Maintenant, ouais, deuxième illustration, un peu plus sérieuse maintenant. Monsieur Charpak, vous êtes prix Nobel de physique. Que pensez-vous du nucléaire? Ah mais c'est pas possible, mais ces écologistes sont complètement malades, ils ont aucune expertise, ils ont aucune compétence en termes de physique. Ils disent que le nucléaire est dangereux, moi je dis que c'est parfaitement sans risque. Merci Monsieur Charpak, l'humanité vous remerciera. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est véridique, hein. De qui? Je me rappelle pas. L'astrophysique. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, il était astrophysique. Donc, voilà, d'autant plus. Voilà, c'est ça. Ouais, je me rappelais pas. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et oui, voilà. Donc, Monsieur Charpak défend le nucléaire et pense que c'est sans risque. Et il a commis des livres dans lesquels il expliquait que les écologistes n'avaient aucune compétence pour dire que le nucléaire était dangereux. Donc voilà comment, une illustration du problème de la hiérarchie dans les sciences. Donc, on va commencer notre petite projection, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et je ne veux pas que vous vous perdiez en cours de route, de préférence. Voilà, c'est pas pour moi, hein, c'est un peu pour moi aussi, il faut dire. Mais c'est aussi pour vous. Donc, tout le monde voit bien. Alors... J'ai changé le titre. Ouais. Et j'ai changé aussi le contenu. Alors, parce qu'Adèle est venue à une autre conférence qui s'appelait les sciences et... Ah non, pas du tout. Non, il vaut mieux que je le fasse moi-même. Non, non, mais c'est bien comme ça. Je vois ce que je fais. Oui. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais tu crois vraiment que c'est obligatoire le rapport hiérarchique là? Ouais. D'accord. Ok. Ah oui, oui, il a le droit. Alors, sommaire. Donc voilà ce qu'on va en dire. D'abord, on va se poser la question de ce qu'on entend par science. Donc une question simple, hein, et c'est sûr qu'elle mérite objection. Ses origines, on va parler un peu des origines, un peu moins que la dernière fois. Son histoire, à partir du XVIIe siècle. Ensuite, sa problématique actuelle. Donc voilà, en quatre chapitres, ce qu'on va en dire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par science? Une définition de la science, très simple, c'est que la science est un paradigme. Un paradigme, c'est un gros mot, je suis d'accord. Mais il ne va pas y en avoir autant que ça, si, il va y en avoir pas mal. Mais enfin, je vais l'expliquer très clairement. Un paradigme, c'est une façon dominante de penser, en l'occurrence. Hein, la définition que je donnerai ici, c'est la façon dominante de penser. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport que vous avez au monde, c'est un rapport qui est défini par la pensée scientifique. C'est-à-dire principalement, hein, pas seulement, mais principalement, aujourd'hui, les gens pensent à travers la science. Donc, la science domine un peu notre façon de considérer le monde. Et je vais préciser les choses. Vous avez quatre grands pôles d'activité humaine qui vont constituer justement ces quatre paradigmes possibles dans l'histoire, c'est-à-dire des façons de penser dominantes. Vous avez un paradigme qui est la spiritualité. La spiritualité a donné une grande période religieuse. C'est la période où les gens avaient tendance à concevoir le monde à travers la religion. Et donc, on se posait moins de questions objectives, mais plus de questions spirituelles. Donc on peut considérer par exemple que la période qui va du 6e siècle jusqu'au 15e siècle environ, c'était une période de paradigme religieux. Mais bon, on va voir qu'on peut relativiser les choses un peu. Ensuite, vous avez l'art. Donc l'art peut constituer aussi un paradigme, mais on va dire que c'est un paradigme mineur. Vous avez ensuite la technique, qui constitue un paradigme éventuellement aussi, de façon plus mineure, jusqu'à maintenant, hein, ça peut changer. Et vous avez la science. Donc voici les quatre grands pôles d'activité humaine qui vont constituer des paradigmes. Ensuite, vous avez la spiritualité fonctionne par révélation, c'est-à-dire ça vient d'en haut et ça descend jusqu'à soi, de façon principale. Ensuite, oui, on peut en reparler, mais je vais continuer jusqu'au bout les quatre points et après on en reparle si vous voulez. Donc vous avez ensuite l'art qui est une création, donc c'est la conception d'une œuvre. Ensuite vous avez la technique qui est une réalisation et toujours la conception d'un objet. Et la science qui est une découverte et qui procède un peu comme la spiritualité, c'est-à-dire qui vient d'une sorte de révélation de la réalité dans la connaissance humaine. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que ce sont des pôles, mais ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas mélangées. C'est-à-dire que ce sont des pôles où domine une forme de façon de penser, mais ça ne veut pas dire que dans l'art, il ne va pas y avoir la technique, la science et la spiritualité, et exactement la même chose pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, la science est très imprégnée de technique, c'est évident. La technique est imprégnée de savoir scientifique. Donc on voit bien qu'il y a un partage de chaque chose, mais disons que c'est pour ça que je parle de pôle, hein, en fait. Donc voilà, la science se situe parmi ces quatre pôles. Alors je parle de pôle mineur en ce qui concerne l'art et la technique parce que il y a des grandes époques que je considère paradigmatiquement spirituelles ou scientifiques. Mais dans ces grandes périodes, il y a des périodes où, d'évidence, l'art ou la technique domine. Hein, c'est par exemple la période de François Ier, la Renaissance italienne. On peut considérer que le paradigme artistique était relativement dominant. Hein, on concevait le monde à travers une forme artistique. Même si on parlait de religion, même si on parlait de science, il y avait quand même, ou de guerre, hein, l'art de la guerre par exemple, hein, si vous voyez cet exemple est assez bon, hein, c'est un exemple assez radical. Par exemple au 19e siècle, au début du 19e siècle, ou au 18e plutôt, les gens qui tirent au fusil, là, les fantassins, se mettaient en position, tiraient chacun à leur tour, hein, d'où la fameuse réflexion « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Et donc il y avait une forme esthétique ou esthétisante de la guerre qui faisait que les gens s'entretuaient, enfin les fantassins, les soldats s'entretuaient de façon gratuite. Donc voilà, il y a quand même des périodes où les choses changent un peu, parmi les plus grandes périodes dominantes. Ceci est une chaise. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais bon, ça c'est pour les experts, les spécialistes. Donc ceci est une chaise. Vous avez la chaise sous la forme ingénieriale, donc technique. Voilà comment on peut la représenter, optimisée, pratique. Ici vous avez la chaise selon, j'imagine que vous allez deviner, le paradigme artistique, inspiré, expressif. Vous avez la chaise selon le paradigme spirituel, sacré, symbolique. Peut-être que l'argent fait partie de ce paradigme en particulier. Et vous avez ici la chaise selon le paradigme scientifique. Ouais, mais ça tient toujours debout. Ouais, c'est clair. Pardon. Donc voilà, comment on peut distinguer les différents paradigmes. La science est le domaine de la connaissance objective. Donc on va faire un petit topo sur l'épistémologie ou la philosophie des sciences. Donc on va définir un peu comment la science fonctionne. Donc la connaissance objective fonctionne sur des objets, et ces objets, ce sont des abstractions, comme l'argent. Ce sont des choses qu'on va tirer du réel, et on va rechercher des invariants. Si on prend la chaise, elle a quatre pieds, pas obligatoirement, elle peut avoir un pied, mais en tout cas, peu à peu, on va avoir une définition qui va à peu près cadrer avec l'objet auquel on se réfère, la réalité à laquelle on se réfère. Donc on abstrait les objets, et puis on va étudier ces objets. Donc on catégorise ces objets, hein, c'est à partir des invariants, et ensuite on formalise leurs relations. Donc ça, c'est la connaissance objective. Ensuite, la méthode scientifique, un peu plus précisément. D'abord, donc, comme on disait juste avant, on abstrait, on minimise et on isole et on simplifie l'objet. Ensuite, on minimise, ça veut dire on le simplifie, excusez-moi, je tourne en rond. Donc on simplifie l'objet. Ensuite, on le problématise. On se pose un minimum de questions sur cet objet et on fait des hypothèses de réponse. Donc de quoi il est constitué, quelle est sa résistance, quelle est sa vitesse, quelle est sa position. Hein, ce sont les principales questions qu'on pose à un objet dans la recherche scientifique. Ensuite, on imagine une mise à l'épreuve, c'est-à-dire une expérience, hein, par vérification ou falsification de notre hypothèse. Et on collecte des informations par des définies à l'avance, ce qu'on appelle des investigations procédurales. Et ça va être l'étape la plus longue, parce qu'on va étudier l'objet sous tous ses angles, on va faire tout un tas d'expérimentations. Enfin, on va obtenir des résultats, et on va essayer non seulement d'interpréter ces résultats, mais aussi d'en tirer, excuse-moi, une généralité, c'est-à-dire une théorie. Voilà. Donc voilà pour le plus lourd qu'on va retrouver vers la fin encore. Voilà, une théorie qui soit falsifiable, démontrable ou confirmable. Hein. Origine du paradigme scientifique. Alors nous avons deux grandes civilisations, d'abord la Mésopotamie. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît bien la Mésopotamie ici, mais j'imagine que ça commence à être connu. Tu as une question ? Pardon ? Ah oui, d'accord, ok. Ouais. La Mésopotamie a été victime d'une censure, parce que pendant longtemps on a faim de laisser croire qu'elle n'existait pas. Pour des raisons religieuses principalement ou idéologiques, c'est-à-dire qu'on était dans la pensée judéo-chrétienne, et la pensée judéo-chrétienne mettait en avant la Bible à un point qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir de civilisation avant la civilisation biblique. Or, la Mésopotamie a précédé la civilisation biblique. Exactement, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, très rapidement, on a découvert des centaines de milliers de tablettes, comme vous voyez là, écrites en cunéiforme, et on les a cachées au public, hein, pendant très longtemps. Or, voilà, l'écriture serait née en Mésopotamie, donc la civilisation serait le berceau, la Mésopotamie serait le berceau de la civilisation. Bon, maintenant on commence à se demander si l'Égypte n'aurait pas développé l'écriture à la même époque, mais on en reste officiellement à l'idée que c'est la Mésopotamie surtout. La Mésopotamie étant l'Irak hein, actuel. Pardon ? Oui. Abraham. Absolument, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais après, c'était des mondes magiques. C'était. Oui, effectivement, hein, effectivement. Abraham venait d'Ur. J'ai dit ça pour. Ah oui, mais ça, c'est plus tardif. Hein. Ça, c'est Babylone. C'est. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, il y a les Sumériens d'abord qui constituent une culture extrêmement dont on n'arrive pas à définir très bien l'origine, les Sumériens. Et les Sumériens ont existé très longtemps de façon isolée, ce qui est assez remarquable, parce que je ne sais plus si c'est à plus de 2000 ans qu'ils ont dû fonctionner. Alors ils ont non, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Mais disons que enfin ensuite voilà il y a d'autres peuples qui sont venus là-dessus, dont les Akkadiens principalement. Et on peut considérer que la Mésopotamie a existé jusqu'à environ 700 voire 200 avant Jésus-Christ. Sinon 200 après, mais bon moi je dirais plutôt 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à l'invasion perse. Ouais, voilà, exactement, Darius. Donc voilà, bon, l'Égypte, c'est à peu près le même parcours. Ces deux civilisations, en fait, développent l'écriture, mais développent aussi les mathématiques. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils vont développer la même mathématique imaginée pendant des milliers d'années. Donc ils vont découvrir des règles qui sont assez remarquables, notamment le principe algorithmique, c'est-à-dire des procédures de calcul. Ils vont travailler sur les équations à plusieurs inconnues. Ils vont travailler sur les racines carrées. Ils vont découvrir bien sûr le théorème de Pythagore, mais sans le démontrer. Ça va être la nouveauté par les Sumériens aussi, ouais. Les Égyptiens et les Sumériens. Ouais. Les deux ont défini le théorème de Pythagore. Enfin, le calcul de l'hypoténuse. Pardon? Oui, la géométrie. Alors, beaucoup de géométrie. Alors, justement, voilà, je voulais vous faire ressortir que les mathématiques ont été développées à partir, d'une part, de l'agriculture, avec l'arpentage qui consiste à définir les surfaces de culture et les surfaces d'habitation. Donc, il fallait de plus en plus préciser les outils de mathématiques pour obtenir des calculs précis, qu'il n'y ait pas trop de revendications de terrain. Ensuite, l'agriculture a obligé aussi à développer le calendrier, quand faire les semences et quand les récolter, et puis par rapport aux animaux aussi. Donc, il a fallu développer. Des observations, il a fallu mener des observations des astres et définir un calendrier. D'ailleurs, je ne sais pas si, bon, je sais qu'il y en a qui doivent le savoir par cœur, mais est-ce qu'on a gardé des Mésopotamiens par rapport au calendrier? Je ne sais pas si vous savez. Outre le fait que ce sont eux qui ont défini l'année de 360 et quelques jours, hein, les premiers. Eh bien, ce sont eux nous ont donné le système sexagésimal qui permet d'avoir les minutes et les heures, hein, qui les définissent les minutes et les heures. Alors que nous, on est dans un système décimal qui fonctionne par période de 10. Le système sexagésimal, alors que je ne me trompe pas, je me demande si c'est pas environ le, 2000, le deuxième millénaire. Hein, c'est autour du deuxième millénaire. Ensuite, oui, non, c'est ça, le système sexagésimal, c'est deuxième millénaire, je crois. Donc, ensuite, on a l'herboristerie, hein, qui permet aussi un développement des connaissances. Ensuite, vous avez les échanges commerciaux. Alors, les échanges commerciaux aussi obligent à des calculs précis. L'astronomie, on en a parlé par rapport au calendrier, c'est la même chose. L'astronomie permettait, les connaissances en astronomie, ça permettait de cheminer à travers le désert et sur la mer, hein, C'est-à-dire qu'il fallait des repères précis, qui soient faciles à identifier, qui ne bougent pas trop, qui soient assez constants. Et donc, ils ont fait beaucoup d'observations. Alors, c'est pareil, on a des milliers aussi de tablettes qui parlent d'astronomie et d'astrologie qui étaient liées. Hein. Ça a été lié jusqu'au XVIIe siècle, on le verra avec Newton, l'astronomie et l'astrologie. Et voilà, donc ensuite on a l'architecture. Donc voilà les trois domaines, agriculture, échanges commerciaux, architecture. L'architecture avec la géométrie. Les Mésopotamiens ont fait eux-mêmes des pyramides, des pyramides en escalier, et des constructions monumentales, comme les Égyptiens. La connaissance des matériaux aussi. Donc voilà. Ensuite, la Grèce. Excusez-moi, je passe vite, je n'ose pas développer tout ça. La Grèce. Donc la Grèce, 800-140 avant Jésus-Christ, hein, c'est la période la plus importante du développement de la pensée grecque. Donc vous avez Thalès. Alors Thalès apporte quelque chose de très important qui est l'exercice de la démonstration. Donc il ne va pas simplement faire des calculs, par exemple pour calculer l'hypoténuse d'un triangle à angle droit, eh bien, il va aussi démontrer comment ce calcul se réalise. Donc il va démontrer la véracité du raisonnement, il va mettre en place des formules qui vont être la base des premières lois mathématiques. Ensuite, vous avez Pythagore. Pythagore est l'école pythagoricienne. Et Pythagore croit, ou en tout cas son école croit, que tout est nombre dans le monde. Tout est nombre. Tout est à base de nombre. Alors vous voyez, ça a un écho très fort avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que tout le monde informatique qu'on met en place actuellement est basé sur les nombres, et toute l'économie aussi, comme on l'a vu auparavant, l'économie est basée sur des nombres. Et Pythagore donc a créé une école qui était une véritable secte. Or ça, les sectes du savoir, les sectes de savants existaient, c'était une tradition des civilisations égyptiennes et mésopotamiennes. C'est-à-dire que il y avait des sortes de clercs qui gardaient le secret, le savoir mathématique, le savoir, toutes les connaissances étaient gardées secrètes, tout ce genre de connaissances. Et donc Pythagore est un peu dans cette tradition, il a d'ailleurs beaucoup appris des Égyptiens et des Mésopotamiens, et son école était une véritable secte. Ensuite vous avez Platon. Platon donc parle des essences immuables, donc pour lui le monde des idées est plus important que le monde des objets, et les mathématiques permettent de faire le lien entre les deux. Mais on a une espèce de croyance extraordinaire dans le monde abstrait des mathématiques, des idées, je veux dire, qui dirait que les idées sont plus réelles que la réalité concrète des objets. Ensuite, on a Aristote, et lui, Aristote va être le plus rigoureux au niveau de sa philosophie de la nature, donc il va avoir une démarche scientifique assez rigoureuse, mais curieusement, ou enfin pas curieusement parce que ça se comprend, pour équilibrer l'excès de son maître, c'est-à-dire de Platon, il va évacuer les mathématiques de la réflexion sur le monde. Enfin, il va les garder en retrait. Et donc, toute une tradition va s'effectuer à partir d'Aristote, sur la base d'Aristote, des écrits d'Aristote. Ensuite, vous avez des civilisations ingénieuses. Alors, vous avez bien sûr Rome. Rome qui ne va pratiquement pas développer les mathématiques. Ils vont se servir des connaissances grecques sans les développer plus. Mais par contre, ils vont se montrer des ingénieurs de génie. Ils vont construire des choses extraordinaires. L'Empire byzantin continue la culture grecque, et là aussi vous avez des constructions, des inventions extraordinaires. Et oui, l'Empire byzantin est beaucoup fait aussi, beaucoup pétri de culture grecque. Donc c'est vraiment une synthèse entre la culture romaine et grecque qui va être développée sans être développée de façon très abstraite. Ça va être développé surtout au niveau pratique, au niveau du mode de vie. Et vous aurez aussi une culture arabe et perse dans l'Empire byzantin. Enfin, le monde, non pas enfin, mais le monde arabo-musulman, hein, du 8e siècle au 13e siècle. Donc eux, ce sont des diffuseurs et développeurs de sciences passionnés, comme c'est écrit. Ouais, ils vont eux-mêmes développer les mathématiques, mais ils vont surtout faire le lien entre l'Asie, l'Asie mineure et l'Europe. Ils vont faire le lien entre toutes ces connaissances et donc ils vont permettre la diffusion des connaissances pendant plusieurs siècles, principalement jusqu'au XIIIe siècle. Et eux-mêmes, ils vont apporter au monde, ils vont apporter au monde, à l'Europe, beaucoup de choses qu'on va voir plus tard. L'Inde. Voilà, des Indes, oui, voilà, c'est ça. De Chine aussi, de. Si, ça vient d'apparaître. Oui, c'est vrai. Mais. Ah non, non, non, non, non, non, non, par contre, non. Non, la Chine apparaît, la civilisation chinoise apparaît environ vers 1500 avant Jésus-Christ. Pardon? Avant quoi? Je ne comprends pas. Oui, là, je crois que. Non, les traces que nous avons de la civilisation, des débuts de la civilisation chinoise datent de 1500 avant Jésus-Christ, et il n'y a aucune trace de mathématiques développées avant le 4e siècle après Jésus-Christ. Ah, mais non, mais alors ça, on peut parler de beaucoup de choses par des on dit ou. On. Ah oui, non, ça. Non, non, non. Ah, mais c'est très possible. Ah, mais bien sûr, mais si. Ouais, non, mais. Ah, bah. Ah, peut-être, mais tout ça. Oui. Oui, non, mais on a plein de choses comme ça qui nous arrivent d'un peu partout, mais tant que c'est pas accrédité, c'est difficile d'en parler. Non, mais c'est pas ça, c'est que si on n'a pas de temps pour en parler, vaut mieux pas en parler, parce que voilà, on n'a pas assez d'informations dessus. Alors l'Inde, les maîtres de l'abstraction, les Indiens développent les mathématiques dans un cadre purement religieux. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est-à-dire ils développent tout un tas de notions abstraites, logiques, et donc qui s'apparentent à des mathématiques, mais dans un cadre gratuit, un peu comme entre guillemets, hein, un peu comme les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, je parle de cadre gratuit dans le sens où il n'y avait aucune application envisagée. Les Grecs refusaient en général l'ingénierie jusqu'à Archimède, c'est-à-dire 4e siècle. Eh bien, les Grecs répugnaient à faire la moindre application de leur pensée savante, en général, hein, le plus souvent. Mais par contre, ce que je n'ai pas mis ici, c'est qu'on a découvert une machine qu'on appelle la machine d'Anticythère, qui est un véritable ordinateur et qui a dû être construit peut-être à l'époque d'Archimède ou un peu plus tard. D'ailleurs, c'est peut-être Archimède qui l'aurait construite. Et on l'a découverte il n'y a pas très longtemps. Et on s'aperçoit que cette machine est complètement met un peu à bas nos façons de penser. Donc effectivement, il reste des choses à découvrir, hein, il n'y a pas de problème. Donc l'Inde, ensuite la Chine. Alors les Chinois sont des inventeurs aussi exceptionnels, qu'on va piller d'ailleurs, qu'on va aller piller dans les périodes coloniales. Mais par contre, c'est pareil, ils ne vont pas développer énormément les mathématiques. Ils vont avoir des notions mathématiques assez avancées, mais pas plus que ça. une renaissance occidentale. On va passer à la Renaissance. Bon, la Renaissance, on peut dire qu'elle commence peut-être au XIIIe, XIVe siècle. Hein. Après, il y a une Renaissance italienne qui est vraiment explosive, mais sinon... Nous avons d'abord le califat de Cordoue. Donc, on disait les Arabes, les musulmans diffusent une connaissance, sont très intéressés par les connaissances. Ils créent des maisons de sagesse. Dans les maisons de sagesse, on peut parler de tout. On parle de philosophie, on parle de mathématiques. Ils diffusent cette connaissance. Ils redécouvrent les textes à la fois mésopotamiens, grecs, indiens surtout. Chinois peut-être, il y a des théories là-dessus, et romaines. Et ils parlent de tout ça dans des maisons de sagesse. Ils diffusent tout ça, ils reproduisent les livres. Enfin, ils font un travail assez énorme dont vont profiter les Européens. Donc, entre autres, Gerbert d'Auriac, qui va être Sylvestre II, le pape Sylvestre II, et qui, lui, va aller faire son éducation à Cordoue, à Cordoue, et qui va être impressionné par les mathématiques, qui va tout de suite les assimiler et qui va vouloir tout de suite pratiquement les imposer au monde occidental. Et donc il va devenir pape, il va essayer de les imposer, il va essayer d'imposer les chiffres indo-arabes, c'est-à-dire les chiffres qu'on utilise aujourd'hui, alors qu'à l'époque on utilisait encore des chiffres romains qui ne nous permettaient pas de faire des calculs. Eh bien Gerbert d'Auriac va essayer une première tentative d'imposer les chiffres arabes, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Ce sont des chiffres arabes occidentaux. Donc ce sont des chiffres arabes qui sont inspirés des chiffres indiens, mais les chiffres arabes occidentaux vont être déjà un peu plus perfectionnés, entre guillemets. Ils vont être plus efficaces pour les mathématiques. Donc voilà, on est au XIe siècle. Ensuite, on a les croisades. Les croisades vont être aussi l'occasion d'échanges de connaissances, même si ce sont avant tout des occasions de prendre le pouvoir et d'écraser les peuples qui sont sur le chemin des croisés. Ah bon, alors les croisades seraient... ouais, d'accord, un des moteurs serait la quête de connaissances. D'accord, oui. Effectivement, par les tentations qu'ont offert les musulmans aux occidentaux par leur savoir et leur technologie. Exactement. Ou en tout cas, pas diffuser la connaissance, leur connaissance aux occidentaux. Eh oui, bah oui, ça leur a coûté cher. Mais c'est pas eux qui... Enfin, c'est pas seulement les croisades qui les ont mis par terre. Hein, c'est beaucoup aussi les Mongols. Les Mongols ont été très durs avec eux. Ensuite, on a Thomas d'Aquin, donc Saint Thomas. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'intéresser à Aristote. Aristote ayant été diffusé par les Arabes, encore une fois. Et il va trouver dans Aristote une efficacité, une opérativité plutôt, plus grande que chez Platon. Pour acquérir des connaissances. Donc il va diffuser Aristote, il va même permettre d'imposer Aristote sur Platon, parce que il faut savoir que les philosophes grecs n'avaient pas été abandonnés durant le haut Moyen Âge, c'est-à-dire après l'effondrement de l'Empire romain. Les monastères continuaient à s'intéresser à étudier les philosophes grecs, mais le monde était plutôt platonicien. Pourquoi il était platonicien? Parce que, comme je vous disais, on était sous un paradigme plutôt religieux. Or, ça collait pas mal avec Platon, puisque Platon disait que les idées étaient plus importantes que le monde concret. Or, dans la religion, on est dans un monde plus idéal que concret. Donc, on était très platonicien et saint Thomas d'Aquin va corriger le tir et va entraîner un mouvement d'aristotélicisme en Europe. Ensuite, on a la chute de Constantinople qui va provoquer la venue de nombreux savants en Europe, des savants qui vont fuir les Arabes. Et ça va être aussi l'objet d'avancée. Ensuite, on a la Renaissance italienne, comme je vous disais, elle est plutôt sous le paradigme artistique, mais globalement sous un paradigme changeant qui va de la religion à la science. Histoire du paradigme scientifique. Donc on arrive au XVIe siècle. Oh, XVIe siècle, oui, bon d'accord. Je ne me souvenais pas que j'avais inclus Copernic. Mais bon, disons que la naissance de la science moderne, on considère plutôt que c'est le XVIIe. Mais il y avait d'abord Copernic. Alors Copernic est un savant du Nord qui très rigoureux et qui va démontrer qu'en fait la Terre tourne bien autour du Soleil et non pas autour de et le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Donc c'était un premier pas vers la décentralisation de la Terre. Ensuite on a eu Bacon qui lui va insister sur l'importance de l'expérimentation en science et sur l'importance aussi de l'institutionnalisation de la recherche. Il va être très proche du pouvoir et il va en perdre la vie. Ensuite, on a Galilée. Alors, Galilée, une citation. Le grand livre de la nature a été écrit dans la langue des droites, des cercles, la langue de la géométrie et des mathématiques. Les mathématiques sont le langage de l'univers. Donc là, on est très clair. On revient à une idée un peu pratiquement pythagoricienne, hein, puisque on considère que les mathématiques sont plus forts que toute interprétation langagière, hein, d'un autre langage, d'un langage courant. Donc Galilée, l'ironie, c'est que Galilée, qui va être l'un des meilleurs représentants de la science et de ses débuts, sinon le meilleur, eh bien, n'aurait peut-être pas fait les expérimentations dont il parle dans ses cahiers. On commence à se demander s'il a vraiment fait ses expérimentations, ce qui est assez drôle parce que ça renvoie à d'autres grands scientifiques comme Pasteur par exemple, qui s'était largement trompé dans ce qu'il avait dit et qui a eu pourtant raison sur ses détracteurs. Et Galilée a eu raison sur ses détracteurs, a fait avancer la science, mais on se demande un peu s'il a pas, il l'a pas fait par l'esbrouf, donc par une croyance très forte. Galilée avait une croyance très forte et qui se remarque dans ses citations. Ensuite, nous avons Descartes. Sitôt que j'eus acquis quelques notions générales touchant la physique, elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fortes, utiles. Donc là, on rentre dans le cadre de l'utilité à la vie et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Donc là, on a affaire à un véritable projet. Donc ça donne une dimension supplémentaire à la science purement spéculative. Ensuite, on a Newton, qui lui développe le calcul différentiel, la théorie surtout de la gravitation, hein, et qui donc va être aussi un des piliers de la science nouvelle. On continue avec les institutions. Peu à peu, s'institutionnalise la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'en fait on va centraliser le savoir. On va plus avoir affaire à des scientifiques, à des savants qui vont se parler à distance, qui vont s'échanger, parce que durant le Moyen-Âge il y aura beaucoup d'échanges épistolaires par lettres. Là on va avoir à une centralisation de la connaissance qui va être accréditée ou non par des institutions qui seront essentiellement les académies. Voilà, les académies vont recevoir des travaux de différents savants et ils vont dire si oui ou non elles tiennent le coup, enfin si ces travaux sont sérieux. Donc voilà. 19e siècle, le siècle de l'apothéose. Alors, le siècle de l'apothéose, il va commencer avec la disparition de la philosophie naturelle, peu à peu, la recherche est institutionnalisée. On va abandonner ce qu'on appelle la philosophie naturelle, qui pour l'instant faisait figure de science et qui était inspirée d'Aristote, et on va la remplacer par une véritable science de la nature avec une introduction massive des mathématiques. Ensuite, on va avoir la révolution industrielle, en particulier à partir des années 50 du 19e. Et là, il va y avoir une multiplication sous l'impulsion des industries, des laboratoires de recherche et une professionnalisation des scientifiques. Donc on n'a plus un rapport de savants aux académies, on a carrément des laboratoires et des instances de vérification, etc. Donc là, on rentre avec des chercheurs rémunérés qui vont travailler en équipe. Donc il va y avoir une collectivisation du travail scientifique. Ensuite, on a ce détail qui a son importance. On a le syllabus de Pie IX en 1864 qui va provoquer le divorce de l'Église catholique, le divorce à part entière de l'Église avec la recherche scientifique. Effectivement, jusque-là, il y avait beaucoup de savants qui étaient restés catholiques ou chrétiens, ou religieux généralement, et qui vont être dégoûtés par le syllabus, parce que le syllabus va prendre position contre le modernisme et contre la science dans ce qu'elle a de plus violent, hein, comme l'argent, encore une fois. Parce que la science n'est pas obligatoirement douce. Et donc, les progrès qui vont être effectués grâce aux recherches scientifiques et à leurs applications sous forme technologique, eh bien, vont créer une société extrêmement déséquilibrée et vont provoquer une misère terrible. Et donc, Pie IX va écrire un texte qui va être très mal interprété par les chercheurs, par les savants, qui vont y voir un refus, un rejet de la volonté de connaissance. Et donc, il y a beaucoup de religieux, de chercheurs religieux qui vont petit à petit délaisser ou critiquer la religion à partir de ça. On pourra en discuter, mais je ne suis pas d'accord, mais on pourra en discuter. Lavoisier, des gens comme ça, ont décrit les principes qui ont permis la machine à vapeur de se perfectionner. Enfin, oui, mais je ne dis pas qu'il y a une primauté de la science par rapport à la technologie. Non, c'est pas ça, c'est que la science permet des applications, elle permet une optimisation de la technologie, que la technologie... Ah mais je suis d'accord, mais... je pense que ce dont tu parles est anecdotique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques anecdotes qui montrent, mais à partir du milieu du 19e siècle, les recherches scientifiques sont bouleversantes au niveau de la chimie, au niveau de l'optique, au niveau de la physique. Ah, mais c'est possible, mais je ne dis pas le contraire, mais sans science, la technologie, elle s'arrêtait là. Pardon? Oui, mais alors ensuite, il y a aussi le problème du... Enfin, bon, effectivement, ça se discute. On va... Ouais. Ouais. Oui, Léonard de Vinci aussi, mais... a priori, c'est quand même l'esprit scientifique. Mais bon, ça se discute. On met en réserve. Tout à fait ça. Oui, mais ça n'a pas été compris comme ça. C'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est complètement lié à ça. C'est-à-dire que c'est une réaction au côté conquérant de la technoscience que le pape a émis ça. Dans un principe de charité vis-à-vis des victimes. Ça ne veut pas dire que lui ne voulait pas se récupérer du pouvoir par rapport à ça, mais ça veut dire que quand même il avait un principe de charité vis-à-vis des victimes, un peu à la marxiste. Hein. Et donc, effectivement, mais par contre, ça a été très mal compris. Ça a été compris comme une volonté une volonté réactionnaire, en fait, hein. Purement réactionnaire, qui voulait que les gens restent dans leur misère d'inculture, quoi, de... Oui, alors superstition, voilà, c'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai les raisons de la victoire. Donc la démonstration de la force du raisonnement mathématique sur les problèmes éloignés de ceux typiquement humains. C'est ça aussi qui a permis la victoire de la science. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse au mégascopique. Alors mégascopique, c'est plus que macroscopique, c'est-à-dire c'est ce qui est très éloigné. Le mégascopique, ce sont les astres, hein, essentiellement, c'est l'univers et les astres. Et elle s'intéresse à ça et elle arrive à démontrer des mécanismes. Et donc, elle bluffe énormément, enfin non, elle impressionne les populations grâce à ça. C'est-à-dire qu'elle est capable de prédire le mouvement, les révolutions des planètes, des choses comme ça. Donc elle impressionne beaucoup les populations, enfin principalement les populations qui décident, hein. Pas toutes les populations, enfin quand même si aussi, hein, quand même, ça s'introduit partout. Ensuite on a le microscopique, alors avec la chimie, la biologie, donc voilà, ça s'oppose toujours à un autre point, la composition de l'être humain. On est dans le principe cartésien qui fait qu'on va toujours au décomposable, à l'élémentaire. Donc on décompose les corps et on oublie le corps vivant, hein, parce qu'à décomposer le corps, on n'explique pas la vie du tout. Mais il n'empêche que grâce à ça, on obtient des victoires symboliques. Et le mécanique, qui est le simplisme même. Et le simplisme s'oppose à la complexité du contexte humain, quoi, hein, de la vie humaine. On va en parler, ça. Ouais, on va. Oui, on va en parler. Ouais. Ah oui. Oui, absolument. Ouais, les chiffres avaient des qualités. Hein. Oui, voilà. Venu des nombres. Oui, ben on va en parler. Oui, absolument. Alors, on va en parler parce qu'on va revenir justement là-dessus. Ouais, absolument. Ouais. D'ailleurs, c'est le problème aussi du numérique. Le numérique, c'est basé sur des quantités. Ouais. Mais effectivement, alors, on va en reparler très précisément. Hein. C'est-à-dire, alors, vous voyez bien, là, on s'intéresse à des objets qui sont éloignés de la sphère humaine. Et on arrive à trouver des invariants qui permettent de faire des démonstrations impressionnantes. Et grâce à ça, on gagne l'imaginaire du public. Hein. Et donc, on évacue la religion qui, elle, prétendait s'intéresser à la subjectivité, à la spiritualité, à la profondeur humaine. Donc voilà. Mais bon, la religion ayant elle-même eu ses déboires et ses échecs. Hein. Faut pas oublier quand même aussi. Problème. Connaître la dimension humaine, c'est aussi la changer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où on arrive à s'imposer dans le champ de la connaissance, on revient vers la dimension humaine et on essaie de percer ses mystères. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus complexe que ce à quoi on s'attendait. Et on rentre dans un processus de changement plutôt que de connaissance. Et là, on va voir ça aussi. Excuse-moi. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, deux réflexions à la fin du siècle, du 20e, du 19e. Marcelin Berthelot, un chimiste très important, il n'y a pas un problème que la science ne puisse résoudre. Ça, ce sont des représentants typiques de la science, les deux personnes dont je vais parler. Oui, pratiquement, oui. Alors, la science physique forme aujourd'hui, pour l'essentiel, un ensemble parfaitement harmonieux, un ensemble pratiquement achevé. C'est-à-dire que toute la connaissance est là. Lord Kelvin, comme Berthelot, ce sont des gens qui sont extrêmement respectés. Ils ne font que traduire par leurs citations la pensée de la plupart des scientifiques et de la plupart des décideurs. Donc on est arrivé à une apothéose là où la science aurait enfin tout expliqué. Mais quand même Lord Kelvin, qui était pas, qui avait quand même, qui n'était pas complètement un idiot, il a rajouté, voilà ça, exception faite de deux petits nuages, la radiation du corps noir et l'effet photoélectrique. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, il est en train de nous dire, eh ben, vous avez là, oh, j'ai trouvé ça à la poubelle, je vais m'en servir. Vous avez là la radiation du corps noir qui va donner la théorie quantique, la physique quantique, et l'effet photoélectrique qui va donner la relativité générale. Donc en fait, on n'était pas sorti de l'auberge. Il s'est un peu fourvoyé, notre ami Kelvin. Qui il a fait cette réflexion? C'était à la fin du siècle, fin du 19e. Donc, justement, je veux dire, à la limite de la révolution scientifique. Pardon? Ouais, non, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste avant que tout n'explose. Alors, la connaissance scientifique relativisée. Alors, attention au terme, attention à ce qu'on va en dire, parce que c'est, faut se méfier du relativisme. La relativité d'Einstein. Donc avec la relativité d'Einstein, tous les scientifiques et philosophes des sciences vous diront, oh là là, mais c'est pas du tout de la relativisation, c'est au contraire la création d'un absolu encore plus absolu que ce qu'on avait avant. Donc vous avez le temps et l'espace qui étaient des absolus au 19e siècle, et tout d'un coup, Einstein met les deux ensemble, et là, on a affaire à un absolu encore plus absolu. Or, dans l'imaginaire humain, ça ne se passe pas comme ça. Pour eux, pour nous, c'est une relativisation. C'est-à-dire que ça suffit, quoi. On a des absolus tout le temps qui vont s'ajouter aux absolus. Mais non, ça ne marche pas. Je veux dire, effectivement, on a affaire à une connaissance qui est certainement plus précise. Mais là, on s'aperçoit qu'on est capable de changer de champ. Et qu'en changeant de champ, on peut changer aussi d'application. On n'est pas. Enfin, non seulement on change d'imaginaire, non seulement on change de rapport logique dans la connaissance, mais on change aussi d'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relativité d'Einstein nous permet de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avec la théorie newtonienne du temps et de l'espace. Oui. Alors, oui. Oui, mais si, oui, mais oui et non. C'est-à-dire que la théorie. Alors, c'est ce qu'on va voir. La théorie newtonienne était dans un cadre donné, mais on a pu sortir du cadre donné quand même. Donc, effectivement, elle est toujours bonne dans ce cadre. Oui, voilà, absolument. Mais donc, on sort quand même des absolus. Le principe d'incertitude d'Eisenstein, d'Eisenberg, excusez-moi, d'Eisenberg. Position et vitesse d'une particule. Il est impossible sur le plan quantique de trouver la position et la vitesse d'une particule. En réalité, une particule n'a ni position ni vitesse a priori, c'est-à-dire elle n'a pas de position ni de vitesse selon la théorie de quantique. Et c'est quand on l'observe par l'expérimentation qu'on va surdéterminer le système dans lequel elle se trouve et qu'on va trouver ou une position ou une vitesse. Mais c'est nous qui l'obligeons à donner une position ou une vitesse. Non. Oui, mais ça se traduit. Oui. Oui. Alors, bon, c'est question d'interprétation, mais on dit aussi qu'elle n'en a pas. Mais effectivement, entre. Elle en a. Non, parce qu'ensuite, si tu dis elle a une infinie de position et de vitesse, tu considérerais que la particule est un corpuscule. Et c'est pas un corpuscule. Justement, c'est ça l'erreur. Non, ce n'est pas un corpuscule. La particule... Non, il n'y a pas... Oui, mais c'est pas... Enfin... Non, alors là, si ce sont des vibrations, ce ne sont pas des particules. Donc, c'est... En fait... Oui, ce sont les deux, en fait. Je veux dire qu'on a... voilà, on a deux plans. On a un plan ondulatoire et un plan particulaire. Mais on a, ça n'est pas un corpuscule. Ça, c'est trop. Le corpuscule n'existe pas et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de position ni de vitesse. C'est, alors voilà, on en reparlera, mais... Ok, objection. Ok, la physique quantique. Alors, pour la physique quantique, étant donné le principe en réalité d'indétermination... d'Eisenberg, parce que c'est pas le principe d'incertitude, c'est le principe d'indétermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détermination précise de la position et de la vitesse a priori. Donc ce qui n'est pas pareil, c'est pour ça que je dis, tu vois, qu'il n'y a pas partout des possibilités infinies. Alors, donc le hasard, l'indétermination serait au fondement même du monde. Donc voilà, on tombe en fait dans une véritable révolution qui change complètement le visage qu'on avait du monde au XIXe siècle. Ensuite, on a les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Alors, c'est logique. On ne peut pas fonder des postulats fondamentaux sur des postulats fondamentaux, puisqu'ils sont déjà fondamentaux. Donc, effectivement, il y a une incomplétude dans les mathématiques. Les mathématiques ne sont pas fondées sur quelque chose d'absolu. Ils sont fondés sur des postulats qu'on décide à un moment donné et qui ont quelque chose à la fois de conventionnel, de situé, circonstanciellement. Ensuite, vous avez le chat de Schrödinger. Alors, le chat de Schrödinger, je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas. Bon. Alors, c'est une expérience de pensée qui a été imaginée par Schrödinger, qui consiste à mettre un chat dans une boîte et on a une particule... qui se dégrade, on sait qu'elle va se dégrader en un temps donné, et on ferme la boîte, et quand la particule se dégrade, elle est censée dégager un poison, et donc tuer le chat. Or, selon ce qu'on vient de dire auparavant, eh bien, le chat est à la fois dans deux états, il est mort et vivant, tant qu'on n'ouvre pas la boîte. Et c'est d'où, voilà, d'où le problème d'indétermination, c'est qu'il n'est pas... Alors non, il est mort et vivant plutôt, hein. Ce sont des états superposés donc qui s'additionnent. Donc c'est ensuite en ouvrant la boîte qu'on va déterminer un état ou un autre. On va réaliser un état ou un autre. Mais il est à la fois mort et vivant dans sa boîte. Donc c'est une expérience imaginaire de pensée, mais ça permet de comprendre qu'on est dans un monde paradoxal dans le champ quantique. Voilà, hein, on n'est plus du tout dans le monde logique dans lequel on vit tous les jours. Ensuite, on a la théorie du chaos, après dictibilité et sensibilité aux conditions initiales. Donc vous avez un chaos très simple, la météo, hein, les phénomènes météorologiques. Vous avez un état de ces conditions météorologiques. Il y a un élément qui va faire basculer dans un sens ou dans l'autre, un élément qui peut être comment dire, un coup d'aile de papillon, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant, et qui va rendre impossible la prédiction du temps à long terme. Parce qu'on est dans un champ tellement complexe que les changements. Donc ça veut dire que le chaos en question, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau de l'observation et du calcul. Eh bien, ce chaos, il est déterministe, c'est-à-dire il fonctionne comme tout le reste, hein, de façon, enfin, tout ce qui est macroscopique. C'est-à-dire, vous poussez une bille sur une autre, eh bien, la deuxième bille, elle va partir en fonction de la direction et de la force de la première. Eh bien, ça, c'est déterministe. Donc, on a affaire à un chaos qui est déterministe. Et tout est connaissable, a priori, mais a posteriori, eh bien, rien n'est prédictible. Donc finalement, on ne peut pas connaître l'avenir avec le chaos des tamis. Ouais, Lorenz. Ah oui, mais il n'y a pas que lui, il y a Ruelle, il y a tout un tas de chercheurs. Mais entre autres, mais ce n'est pas lui qui l'a formalisé. Les science studies, alors les science studies vont introduire le caractère social dans les sciences, des sciences, je veux dire. C'est-à-dire que les sciences se construisent dans des conditions sociales données, notamment le phallocratisme, hein, entre autres. L'esprit masculin qui va dominer dans les sciences, mais l'esprit masculin va dominer de façon générale dans la société. C'est-à-dire c'est l'esprit de puissance, de volonté de puissance, qui est plus fort peut-être chez l'homme que chez la femme. Et ça va donner un caractère particulier au savoir scientifique. Hein. Donc le savoir scientifique ne va pas échapper à son imprégnation sociale, même si on essaie de créer les conditions pour qu'il y échappe. C'est-à-dire qu'on va créer des conditions de discussion, de négociation et tout ça, et d'expérimentation, et de vérification et tout ça, de théorisation, qui vont essayer d'évacuer au maximum la subjectivité et le caractère contextuel. Mais ça ne va pas marcher vraiment. Hein? Ah bah, faut en prendre un peu quand même pour provoquer. Alors, les sciences cognitives, la complexité mise en jeu avec comment on appelle ça, des exigences nouvelles. Et l'exigence principale nouvelle, c'est le pluridisciplinaire. C'est-à-dire, on va appeler plusieurs disciplines, donc plusieurs spécialistes de disciplines, et là, ils vont être obligés de rabattre leur superbe, c'est-à-dire de spécialistes, et de se faire comprendre d'autres spécialistes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir les bluffer aussi facilement qu'ils auraient bluffé un public de novices. Parce qu'ils vont devoir échanger entre eux, et donc, ils vont se rendre compte que l'interprétation qu'ils donnaient à leurs résultats d'expérience était un peu surinterprétées. Elles étaient suranthropomorphisées. Pardon? Oui, mais suranthropomorphisées, c'est-à-dire sur-euphémisées, disons. C'est-à-dire qu'ils auront introduit tout un langage d'images et de choses comme ça qui sera en fait excessif, qui sera abusif. Et donc, en se confrontant, et qui va leur servir pour leur pouvoir personnel, c'est ça, parce qu'ils vont, hein, ils vont bluffer, et face aux autres spécialistes, ils vont devoir évacuer le maximum d'images bluffantes. Ils vont être obligés de relativiser leur interprétation, Et à ce moment-là, la science va faire un grand pas ou pas. Parce que malheureusement, cette initiative va tourner relativement court, même si apparemment elle est un peu reprise. Oui. Oui. Alors, c'est très intéressant. Excuse-moi, tu voulais dire? C'est marrant. Ah non, excuse-moi. Ah oui, mais c'est ce que je disais, hein. Ah oui. Alors, qui a fait ce passage entre précisément après la Seconde Guerre mondiale? C'est l'armée. L'armée va contrôler la recherche sur le nucléaire et elle va prendre en charge le développement des recherches sur la biologie, soit dit en passant. Mais effectivement, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. La science avait des victoires loin des sujets qui concernaient l'humain le plus typiquement, enfin au plus proche de lui. Et elle va peu à peu ramener son champ d'investigation sur l'être humain, sur son monde, et là elle va se casser les dents et effectivement elle va rencontrer la biologie, ensuite la psychologie, et on va être dans des sables mouvants à partir de là. Ouais. Mais absolument, comprendre plutôt qu'expliquer. Ouais, voilà, c'est ça, simplement, ou appliquer. Alors, pour répondre à ta remarque, tu as cité l'archéologie. Et c'est très drôle que tu cites l'archéologie, parce que justement, c'est une des sciences sans grand enjeu. Or, les sciences avec grands enjeux ont justement laissé tomber ce côté pluridisciplinaire, en tout cas temporairement. Et, pardon ? Exactement. Ouais. Et moi, donc, j'ai participé à la mise en place des sciences du département de sciences cognitives à l'école normale. Et ce qui s'est passé, c'est que les complexistes du genre maurinien commençaient à avoir le dessus, un pouvoir donc symbolique sur les réductionnistes scientistes. Et il y a eu un retour de bâton en 96 à l'occasion d'une affaire dont je vous parlerai tout à l'heure, peut-être, que vous connaissez peut-être, qui est l'affaire Sokal, et à laquelle a participé Charpak, soit dit en passant. Et à partir de là, les entreprises industrielles ont mis la main sur la recherche avec l'aide des gouvernements, et on est reparti dans une vision complètement réductionniste scientiste à partir des années 90. Et enfin, bon, on en parlera après parce que je vais aborder le sujet. Mais ouais, et c'est, donc effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. C'est bon. Ouais. Ouais. Oui. C'est toujours une guerre de pouvoir, hein. C'est toujours. Ouais. l'occurrence, voilà, c'est bon. Voilà, ouais. Ah, mais absolument. On va en reparler, mais c'est absolument ça. C'est que, mais justement, c'est ce qu'on disait, hein. Le problème de l'argent, le problème du capitalisme, tout ça, c'est avant tout le problème de la puissance. Tout ce qui offre de la puissance, ça va marcher avant tout. Et donc, et une puissance, comment dire, c'est pas n'importe quelle puissance, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des puissances qui sont plus à long terme, qui sont plus partagées. Là, ce sont des puissances concentrées, quoi. Donc, les puissances, en fait, du moment, hein, et plus actives. Donc, ouais, on va en reparler parce que c'est vraiment finalement le sujet, hein. Alors, je continue. L'informatique, le calcul nous échappe. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre tout en boîte actuellement, et maintenant les scientifiques sont plus capables de savoir ce qui se passe dans la boîte. Et on a beau dire que tout a été programmé, c'est plus le problème. Quand on a des millions d'algorithmes, mais c'est, on appelle ça des lignes de code. Voilà, des lignes de code. Quand on a des milliards de lignes de code, comme simplement le navigateur Firefox. Vous avez un navigateur qui aujourd'hui ne peut quasiment plus être compris, tellement il a de lignes de code Pardon, ouais, voilà, c'est ça. Ça devient donc. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'effectivement les algorithmes nous échappent parce qu'on n'est pas capable de comprendre, et c'est ce que je disais l'autre fois. Bon, je vais poser la question d'abord. Qui sont les plus consommateurs de recherche, de chercheurs mathématiciens qui salarient le plus de mathématiciens au monde? Non, c'est pas l'armée, justement. Pardon? Non, c'est pas la finance. C'est pas la finance. Non, non, non, vous n'y êtes pas. Je sais qu'Adèle le sait, mais... Ah, justement, une place de cinéma. Eh bien, c'est Hollywood. Parce que pour leurs films, ils ont engagé énormément de mathématiciens pour pouvoir faire des films numériques. Et donc, ils payent grassement. Et oui, c'est plutôt en termes de salaire, peut-être, d'ailleurs. Et donc, les mathématiciens élaborent des algorithmes qui permettent de faire des images de synthèse. Et ces images ne sont pas compréhensibles. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire le lien entre l'algorithme et le résultat. On ne comprend pas pourquoi le résultat est de forme naturelle. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi on a un résultat de... Pardon ? C'est possible. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication. Hein, mais les mêmes problèmes, les mêmes... ouais. Ouais. Oui. Ah oui, non. Oui, bah ça c'est pareil. Hein. Non. Oui aussi, oui. Utilitaire idéologique. Mais l'argument qu'on va te renvoyer, c'est que on arrive à avancer quand même au point de vue théorique grâce à ces applications techniques. Donc on se retrouve toujours dans cet échange, mais attention, alors justement, là où je vais essayer de te montrer, tu vois, qu'il y a une différence, c'est que je pense, et c'est ce que je veux dire à la fin, hein, qu'on arrive au paradigme technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on rentre dans un paradigme technologique où la question n'est plus de savoir quel est notre rapport au monde et qu'est-ce qu'est le monde. Notre relation au monde, ça va être de quelle manière je vais le changer, avec quels outils. Donc on rentre dans un véritable paradigme technologique. Pardon ? Ouais, voilà. Ah bah ça, non, c'est un autre problème, ça. C'est... Voilà. Et peut-être même qu'on va avoir à faire ensuite un paradigme artistique qui sera pas du tout drôle. Qui sera pas du tout drôle, où les gens se demanderont, feront des œuvres d'art entre guillemets avec des êtres vivants, enfin des choses monstrueuses, Et ça, on y est déjà un peu, hein. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies qui permettent de manipuler le vivant, il y a déjà des artistes qui font des manipulations, mais peut-être qu'un jour, on sera sous un paradigme de ce type, et alors là, on pourra, pourra pleurer, là, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Alors, un petit travail pratique de... Un petit épée de relativisation. Ok, vous êtes prêts? Un petit exercice. Parce que quand même, on est en cours, là. Je vous rappelle, on est en cours, hein, les mecs. Ah bon? Bon, bah, on va quand même essayer. Allez, on va essayer. Allez, bon. Tout le monde connaît cette formule, hein. Bon, ça va. Alors, on peut avoir... Ah. Tu comprends pas ça? Attends, c'est basique. Et t'as pas été en sixième? C'est impossible. CE2 même, je crois, ouais. Ouais, mais le pire, c'est que c'est... Bon, allez, on va faire plus simple. Allez, j'ai compris. Allez, on va faire ça, allez, allez. Allez, ok. Allez, un petit travail pratique. Allez, un travaux pratique. Oh là là, j'arrive pas à lire. Alors, 1 plus 1 égale 2. Vous êtes d'accord? Oui. Ah bah, on va voir. On va voir. On va voir. Bon, alors, vous croyez pas que 1 plus 1 égale 2. Bon, d'accord, on y va. Allez. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. Voilà ce qu'on disait au 18e, au 17e siècle. Il y avait des gens qui croyaient que 2 et 2 font 4, et 4 et 4 font 8, et c'était la religion de l'arithmétique. Ok ? Ah, c'est un mystère. Mais si vous avez un extraterrestre qui arrive sur Terre, peut-être qu'il va dire « Moi, je suis pas tout à fait d'accord, c'est 2 et 2 font 4, mais c'est un truc qui me gêne quand même. » Alors, on continue. 2 et 2 égale 5. C'est parfois utilisé pour représenter les idéologies les plus radicales, les plus extrémistes. Et donc, on dit « Non, ça, et lui, il croit que 2 et 2 font 5, c'est un idéologue. C'est un extrémiste. Ceci, une pipe. » Voilà, la rationalité contre l'irrationnel. Représentation de la... Alors j'en ai enlevé, j'avais d'autres panneaux, mais d'autres citations. S'il dit que 2 et 2 font 5, alors 2 et 2 font 5. Cette perspective m'effraie bien plus que les bombes. Ça c'est George Orwell. Pourtant on l'aime bien George Orwell. Mais lui il considérait qu'à partir du moment où un mec imposait que 2 et 2 font 5, c'est que c'était un dictateur, un terrible tyran. Donc il condamnait l'arbitraire. Et il visait en particulier les soviétiques, hein, j'imagine, avec leur Lysenko. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'était un scientifique qui avait essayé d'imposer une science populaire, une science du peuple. Malheureusement, sa science du peuple a été un peu frelatée. Mais enfin bon, on pourrait en reparler. Et des proches, savez-vous quelle différence il y a entre un psychotique et un névrosé? Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c'est un malade qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4 et ça le rend malade. Voilà. Donc ça, c'est l'évidence martelée des proches. Et on l'aime bien aussi, des proches, mais il n'y a peut-être pas raison quand même. Nietzsche, en ce qui concerne ton principe selon lequel le vrai serait toujours du côté de la difficulté, je suis en partie d'accord avec toi. On a néanmoins du mal à concevoir que 2 fois 2 ne font pas 4. Est-ce plus ou moins vrai pour autant? Ouais, alors Nietzsche, il est quand même un peu dubitatif. Hein, ça le ressemble beaucoup. Heureusement, il y a des gens dubitatifs. Alors on reprend notre 1 plus 1 égale 2, parce que 2 plus 2 égale 4, c'est déjà un peu trop compliqué. Alors, on y va. 1, qu'est-ce que c'est 1 hein? Qu'est-ce que c'est, hein? Une unité absolue. 1, c'est une unité qui ne se dégrade pas, c'est une unité qui ne s'envole pas, c'est une unité qui est complètement absolue dans l'univers, qui ne bouge pas. Non, elle est instable, elle est parfaitement stable. Oui. Voilà, on va quand même rester là-dedans pour. Ah, attention, on va voir. Voilà. Ensuite, 1 égale 1, c'est une équivalence absolue. Donc vous avez une unité qui n'existe pas dans l'univers, puisqu'il n'y a pas d'unité absolue dans l'univers, même si vous allez chercher au Big Bang, qui n'existe plus d'ailleurs, il n'y a pas d'unité absolue dans l'univers. Mais en plus, vous avez une équivalence qui va vous mettre une autre unité absolue en face en disant c'est la même, mais c'est pas la même. Alors là, si vous ne voyez pas des paradoxes, 1 plus 2, qu'est-ce que c'est alors finalement 1 plus 2? 1 plus 1 égale 2. C'est une synthèse différentielle absolue. C'est-à-dire que vous avez deux unités qui sont absolues. Hein? Oui, non, mais vous avez deux unités absolues qui n'existent pas dans l'univers et qui se retrouvent en synthèse sans se déranger l'une l'autre dans deux. Et qui sont là et qui permettent de faire un nouveau nombre, un nouveau chiffre. Alors là, et le 2 est une nouvelle unité absolue. Hein, le 2 est une nouvelle unité absolue. Donc voilà, on est dans un monde complètement platonicien. C'est-à-dire on a vraiment des idées qui sont plus importantes que le réel. 1 plus 1 égale 2. Alors moi, je vais vous proposer un petit calcul alternatif. Vous avez 1 plus 1 égale 0. Qu'est-ce que c'est ? Annihilation. Vous mettez deux unités, elles se détruisent l'une l'autre, ça fait 0. Vous avez 1 plus 1 égale 2, 1, je veux dire, la fusion. Les deux unités fusionnent entre elles. Vous avez 1 plus 1 égale 3, la coproduction. Voilà. Donc ça suppose quoi ? Ça suppose le temps, ça suppose la complexité, ça suppose des unités réelles. Et on n'est plus du tout dans le même rapport. Hein? Donc on n'est plus dans le quantitatif absolu. On est dans un rapport beaucoup plus subtil. Et plus humain, plus réaliste. Sûrement, je crois. Donc voilà. Eh ben, c'est quoi ? La quoi ? La lusite. Logique féminine. Bon. Levez-vous. Alors, à quoi ça s'apparente, ce 1 plus 1 égale 2? Ça s'apparente à ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Vous avez une grenouille. On ne vous a jamais montré ça à l'école. Ça, c'est sixième. Donc, vous avez une grenouille. Vous avez une bande qui part verticalement. La grenouille, elle ne moufte pas. Elle ne moufte pas. Vous la mettez horizontalement, elle lance la langue. Pourquoi ? Parce qu'elle a une stratégie abstraite qui fait que le trait qui passe horizontalement, c'est un vert. Le trait qui passe verticalement, c'est pas un vert. C'est rien. Donc voilà, en fait, c'est une stratégie de l'esprit, les mathématiques. C'est une stratégie. Et c'est une stratégie pour s'accaparer le monde éventuellement, pour maîtriser son environnement. C'est une stratégie. Certainement, oui. Une stratégie à. Ouais, en principe, un but, oui. Ouais. Évidemment, oui. Ouais. Et qui est bien cité et qui est bien exprimé par Descartes. Qui dit que. Qui a éliminé le qualitatif. Alors, on continue, on s'enfonce un peu plus loin dans l'abstrait. Alors, la chute des corps, vous vous souvenez, la chute des corps, c'est. C'était surtout Galilée, après Newton. Quand vous faites tomber deux objets, par exemple une plume et un marteau, eh bien, les deux objets tombent à la même vitesse. En réalité, ils sont attirés de la même manière par le sol. Tout ce qui provoque la différence de chute, de vitesse de chute, c'est le frottement de l'air. Hein. L'expérience a été faite sur la Lune, par exemple, avec une plume et un marteau, et les deux sont arrivés en même temps. Mais en fait, on peut le faire avec une boule de. Une pétanque, une boule de pétanque en plastique et en fer. Si vous mettez assez haut, en principe, les deux arrivent en même temps. Hein. Pourtant, ils font le même poids, mais ils ne font pas la même masse. C'est-à-dire qu'il y a des quantités de matière équivalentes, mais par contre, ils ne sont pas attirés de la même manière par la gravitation de la planète. Donc ça, c'est Galilée qui avait mis et qui avait permis de contredire une règle qui était entendue depuis Aristote. C'était Aristote qui l'avait formulée. Il disait les corps ne tombent pas à la même vitesse. Et donc c'est Galilée qui a proposé une autre version qui est plus juste. La masse, mais attention, alors là, on va retomber dans la relativisation complète. La masse des particules, eh bien, on pensait que les particules avaient une masse. Et finalement, elles n'ont pas de masse. Ouais, voilà. Et le boson de Higgs a permis de confirmer qu'elle n'avait pas de masse, parce que le boson de Higgs s'attache à l'électron ou à la particule et la ralentit dans son mouvement. Et c'est parce qu'elle a ralenti qu'on a l'impression qu'elle a une masse. Et en réalité, elle n'a pas de masse. C'est une façon de décrire un peu olé olé, hein. Mais disons que. Donc il n'y a plus de masse. Les particules n'ont plus de masse. Maintenant, c'est des conventions. On est d'accord pour parler de masse, mais on considère que la particule n'a plus de masse. Ensuite, les lois de l'univers ne concernent que la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? La matière, il y a quoi comme matière dans l'univers? 2 à 8% de l'univers est constitué de matière. C'est-à-dire que les lois physiques qu'on considère comme universelles, elles ne concernent que 2 à 8% des constituants de l'univers. C'est un peu problématique quand même. Un petit problème. Ensuite, l'univers a 3, 4 peut-être dimensions, ou 11. Alors là, bon, on a encore décollé là. Ou 6. Ouais. Je crois que c'est années 60, 50. Je crois que c'est, ou même peut-être plus tardif, peut-être 70, années 70. Ah, ouais. Ah oui, non, mais attention, ça je peux vous dire comment marche la science, hein. La science, elle parle de trucs comme des malades. Moi, j'y étais dans les années 90. On parlait de trucs comme des malades et ça sort que maintenant, quoi. C'est-à-dire que ça met du temps à sortir, quoi. Effectivement, ouais, ça, c'est. Mais oui, ensuite, il y a des hypothèses qui sont lancées. Ensuite, il y a des vérifications. Non, des expériences qui sont définies pour vérifier. Et ensuite, il y a les vérifications qui sont mises en place. Or, maintenant, on arrive à faire des hypothèses qui portent très loin. Et il faut mettre beaucoup de moyens pour vérifier les choses, dont le boson de Higgs, hein, qu'on a mis beaucoup de temps à vérifier. Et donc, effectivement, la vérification des choses est assez lente. Après, l'histoire de la matière, finalement, cette histoire de matière, c'est un peu comme l'histoire des particules dont on parlait tout à l'heure. C'est que ça devient tellement abstrait qu'on se demande de quoi on parle. Est-ce que l'univers est si grand qu'on le pense? Enfin bon, il y a tout un tas de problématiques qui se posent. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Luminet a une théorie de. Ouais. Ouais. Là, c'est. Ouais, il y a des questions qui se posent. Oui. Alors, j'allais juste en parler là. L'univers a 11 dimensions. Les 11 dimensions de l'univers ont été imaginées à partir d'une théorie qui s'appelle la théorie des cordes et qui essaie de donner de la cohérence aux lois scientifiques fondamentales, c'est-à-dire qui essaie de réunir les quatre forces de quantique à la théorie de la gravitation. Donc on essaie de faire une théorie unifiée de tout ça, et on a pour ça inventé, entre autres, parce qu'il y a d'autres formules, d'autres propositions, on a inventé la théorie des cordes, et la théorie des cordes oblige l'existence d'au moins 11 dimensions. Ouais, au moins. C'est sûr, c'est. Ouais. Donc, la flèche perdue du temps, bon, je ne sais pas si bon, il y en a qui doivent connaître quand même. C'est-à-dire que jusqu'au 19e, c'était très clair, même jusqu'à maintenant pour certains, hein, les lois permettent de connaître les choses vers le passé comme vers le futur. Donc, il n'y a ni passé ni futur dans le monde physique, dans le monde des sciences physiques. Et donc, il a fallu des gens comme Prigogine pour essayer d'expliquer que quand même, notre monde allait plutôt vers l'avenir et que quand on crevait ou quand on cassait quelque chose et tout ça, on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était impossible, hein. Ah bon, après, vous pouvez me parler de ce que vous voulez en termes de réincarnation ou je sais pas quoi. Toujours est-il que matériellement, vous ne pouvez pas revenir en arrière selon le... Ouais, voilà. C'est ça. Et donc la flèche perdue, elle est toujours envisagée par certains scientifiques et elle a une valeur idéologique très forte. Donc effectivement, la question de la mort, de la destruction de l'humanité, tout ça, peut échapper à certains grands scientifiques à cause de ce genre de loi. Pour eux, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça peut-être que d'ailleurs des gens comme... Charpak pense que le nucléaire ne comporte aucun risque. Peut-être. Alors, peut-être pas. Peut-être qu'il est, il a, je sais pas quel est le symbole de la flèche dans le domaine économique, mais ouais, oui, c'est possible, ouais, c'est ça. La causalité des phénomènes, là, j'ai fait une petite liste. La causalité des phénomènes, donc il n'y a plus de causalité. En fait, on a une distribution qui n'est plus causale, mais qui est holiste, enfin qui concerne le tout. La barrière des espèces, les espèces n'ont plus vraiment de barrière parce que maintenant, avec les manipulations génétiques, on a montré que finalement c'était relativement arbitraire. Ensuite, la linéarité de l'histoire, enfin il y a tout un tas de propositions qui relativisent complètement. Toutes les conceptions qu'on avait des choses. Donc voilà, hein, on est rentré dans une science très relativisée, hein. Alors comment ne pas tomber dans le relativisme avec tout ça? Il faut vraiment avoir des notions mathématiques très très intégrées, hein, parce que... Alors, conclusion. Je vais essayer de conclure, mais ça ne va pas être si facile. Alors, qui pense la science? Qui subventionne la recherche et le développement? Qui en fait la communication? Pour quel projet de société? Ouais, c'est là où on va pilonner. Ouais, bah oui, excuse-moi. Alors, oh là là, excusez-moi pour ce tableau terrible, mais alors là, vous allez vous en prendre plein la vue. Qui pense la science? Plusieurs idéologies, vous mettez un néo devant chaque idéologie. Pratiquement. Du tableau de... C'est où ça par rapport à vous? C'est gauche. Du tableau de gauche, vous mettez un néo, parce que ça a changé entre-temps, hein, depuis l'invention des trucs, des façons de penser. Alors, vous avez... Bon, on ne va pas parler de tout, hein. Bon, le rationalisme, vous voyez, hein, le rationalisme, c'est Descartes, hein, c'est vraiment se limiter à des objets très précis, les décomposer, aller toujours plus loin dans l'élémentaire. Trouver un isolement maximum, ensuite faire des expériences dessus. Bon, c'est l'idée que la raison peut tout résoudre en termes de connaissances. Ce qui est, à mon avis, faux, parce que un scientifique qui n'a pas d'inspiration, qui dépasse sa raison, eh ben, il trouve rien. Donc les plus grands scientifiques, comme celui dont Klein adore parler, c'est qui déjà? Je sais plus comment il s'appelle, c'est Schrödinger. Schrödinger a trouvé l'une de ses plus belles formules en étant avec son amante au sport d'hiver. Et bon, il a passé une semaine formidable avec elle, et tout d'un coup, il a sorti sa meilleure formule. Donc, si on appelle ça que la raison, excusez-moi, mais ça me fait marrer quand même. Donc, on a le dualisme, atomisme, monisme, holisme. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui pensent qu'il y a une séparation, que l'univers est un composite, éventuellement par exemple entre l'esprit et la matière, ou qu'à la base de l'univers, il y a une onde particule. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est unitaire à la base. Donc il y a l'onde particule, c'est une unité, ou l'esprit et la matière, c'est une unité. Et puis face à ça, on a le saltationnisme ou l'émergentisme. Saltationnisme, ça veut dire qu'en fait, vous avez des niveaux, prenez toutes les disciplines mathématiques, non, scientifiques. Vous avez la... la physique, la chimie, la biologie, la psychologie. En fait, tout ça serait des échelles. Et entre chaque échelle, il y aurait un gap, une dépression chaotique. C'est-à-dire on ne passe pas facilement d'une échelle à l'autre. Et donc ça, c'est les saltationnistes épistémiques, hein, dans le domaine de général de la science. Hein, parce que les saltationnistes en évolution, c'est, bon, c'est autre chose. C'est un peu la même définition. Mais, hein. Émergentisme, c'est que vous avez des échelles, vous avez des niveaux, et au niveau supérieur de virtualisation, eh bien, vous avez une organisation nouvelle, mais qui n'est pas réductible à la précédente. Et donc, le tout est plus que la somme des parties. Donc, vous avez des parties, si vous les organisez entre elles, elles vont former un tout, et le tout va avoir des nouvelles propriétés qui ne seront pas déterminables par les parties. OK ? Ensuite, vous avez le constructivisme, c'est une idée de l'insertion de la science, de la recherche scientifique dans le social, c'est-à-dire qu'en fait on participe à la construction du savoir, et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, en sachant on transforme, mais aussi on invente. C'est-à-dire qu'on acquiert des connaissances sur le réel, d'accord, mais on invente des langages, on invente des postures et on change notre monde. Donc c'est trois positions, hein, et on se construit, voilà, on se change soi-même. Ouais. Ouais. Alors, il y a deux formes extrêmes par rapport à ce que tu dis. Tu as la forme de changement indirect, des connaissances sur des choses lointaines qui vont nous changer, nous, et qui vont changer notre monde indirectement. C'est-à-dire la connaissance du fond de l'univers, de l'origine de l'univers, par exemple, elle transforme notre imaginaire. Donc, elle nous transforme nécessairement parce que le cerveau ne peut que se transformer, sa structure ne peut que se transformer en fonction du savoir qu'il acquiert. Donc, ça, c'est une règle. Donc ça c'est une transformation indirecte. Ensuite on a la transformation un peu plus directe qui est la possibilité d'application, et à ce moment-là on transforme le monde par les applications qu'on effectue. Donc oui, elles vont avoir un rôle mineur. Il y a des choses qui vont avoir un rôle. Ah oui, mais bon, localement ça peut changer quelque chose. Ouais, ouais. Mais voilà, ça change pratiquement rien éventuellement. Maintenant, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, d'accord, effectivement, mais toute connaissance qui a une puissance de réalisation ou de une puissance de d'évolution, voilà, c'est ça, mais qui a d'adaptation, des choses comme ça, voilà, eh bien, va à un moment donné quand même surgir, à moins que le champ de l'espèce disparaisse intégralement. Mais sinon, dans l'évolution, dans l'évolution, là, toutes les permutations, toutes les... Non, l'évolution, quand quelque chose évolue, c'est... Hein? Non, l'évolution de... Oui, non, mais je parle de l'évolution de Darwin. Non, mais quand ça... Ah, vous ne trouvez pas le terme clé, c'est le terme clé de tout de l'évolutionnisme. C'est les... Bon, j'arrive pas à trouver le terme. Oh, ça fait rien. Oui, mais quand ça mute. Les mutations. Voilà. Toutes les mutations qui trouvent leur écho dans l'environnement, c'est-à-dire qui permettent une adaptation, vont fonctionner, donc elles vont rester. Dans le champ de social, ces mutations favorisent la puissance d'être et la puissance de réalisation. Et c'est ça le problème, parce que effectivement, à chaque fois, on arrive à des puissances, comme je disais, d'application à court terme, et les puissances d'application à court terme, on le voit aujourd'hui, mettent en danger l'environnement l'humain en général. Donc c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des découvertes qui ne vont pas avoir cette portée et cette capacité à faire évoluer à court terme, et qui vont être écartées, et qui donc vont pas permettre l'évolution nécessaire pour aller plus loin. Donc je continue avec mon petit truc là. Alors vous avez ici le continuisme, donc tout ça c'est un peu de la même gaine. Ça, le positivisme, pluridisciplinarisme, c'est néo-positivisme, parce que le positivisme de Comte ne mettait pas la physique en premier dans la hiérarchie dans la hiérarchie des disciplines. Non, c'est encore fermé, le truc là. Ah bon. Là, il est... D'accord. Donc, alors... Vous avez fait... Oh la vache. Je comprends. C'est fait comme ça, la porte. Donc vous avez la hiérarchie des sciences qui était lancée par Comte au début du 19e, qu'on retrouve dans le néo-positivisme, mais cette fois-ci avec à la base de la hiérarchie ou les mathématiques ou la physique quantique ou la physique en général. Et donc toutes les sciences sont déterminées par ces sciences dures. Ensuite vous avez l'absolutisme, relativisme, on peut les opposer au contextualisme ou constructivisme, c'est-à-dire on va sortir du relativisme ou de l'absolutisme et on va accepter qu'il y a une relativité des choses, et qu'on évolue et tout ça. On va accepter les phénomènes dynamiques, on va accepter des choses simples, de rester dans un cadre limité. Alors, vous avez encore le déterminisme qui va être donc supplanté par l'indéterminisme, le physicalisme, le naturalisme qui vont être... Alors, le naturalisme, c'est assez intéressant justement dans les sciences humaines aussi. Ce à quoi je me confronte souvent dans les sciences humaines, c'est que il y a beaucoup de chercheurs qui viennent faire la leçon au public, aux citoyens, aux associations, enfin je veux dire aux associations, aux groupes de citoyens, et qui leur disent arrêtez de vous intéresser à qui fait la politique et tout ça, intéressez-vous simplement aux lois qui définissent tout ce mouvement politique. Alors là, j'ai entendu encore Anselm Japp qui vient de raconter ça. Qui est-ce qui disait ça encore? Enfin, il y a plein de gens. Il y a Corcuff, il y a une liste de gens qui se veulent très importants parce qu'ils racontent ça, parce qu'ils disent non, il y a des lois plus importantes que l'incarnation des choses. Et moi, je trouve que c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'après, on produit des intellectualistes, c'est-à-dire des gens qui planent dans leur théorie et qui n'agissent pas parce que... Alors effectivement, c'est très intéressant d'avoir des théories générales, hein, c'est très intéressant d'avoir des théories sur le capitalisme et tout ça, mais il y a un moment où il faut l'incarner, il faut incarner la problématique et il faut montrer où sont les points nodaux dans la société incarnée. C'est-à-dire qui sont les gens qui vraiment dirigent, qui sont les mouvements, quels sont les mouvements d'argent, de société, tout ça il faut arriver à le décrypter de façon concrète. Et donc si c'est personnifié, ouais. Ouais. Incarné, personnifié. Eh ben, oui, mais je crois que c'est faux. Ouais. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas aller du côté des lois, encore une fois, mais j'ai dit que les communistes et les marxistes, plutôt, et les marxistes strotskistes, ont depuis longtemps prétendu que, peu importe que le personnage soit Hitler ou un autre, c'est pas grave, c'est pas l'important. L'important, c'est les lois qui vont régir la montée du capitalisme et ensuite qui vont mener à des dictatures. Or, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a des généraux qui ont permis des grandes victoires, il y en a d'autres qui n'en ont pas permis. Donc, je pense qu'il faut considérer les hommes qu'on a en face de soi, qu'il faut justement savoir écarter ceux qui nous semblent incapables de nous mener au pire et viser juste quand on cible quelqu'un. Donc... Ah, au niveau des lois, ouais. Ouais, d'accord. Oui, mais Jappe ne parlait pas de façon positive. Il disait pas on va élaborer un système qui va permettre d'évacuer, comme le font d'ailleurs les apatistes. Les apatistes, eux, élaborent des cadres empiriques, c'est-à-dire en fonction non seulement d'une connaissance, mais aussi d'une expérience, qui va permettre d'écarter les possesseurs de pouvoir, enfin ceux qui veulent à tout prix le pouvoir. Mais Jappe, non. Jappe, lui, il nous tire vers l'intellectualisme en disant pour étudier les choses, pour comprendre les choses, il faut faire abstraction des incarnations et des personnalisations. Et ça, moi, je suis pas du tout. Non, bah écoute-le, tu verras, ou lis-le, mais et ah bah oui. Ouais. Ouais. Ouais. Exactement, voilà. Ouais. Et ça, vraiment... Non, alors en l'occurrence, on n'a pas à faire, c'est justement ce à quoi je voulais venir, c'est marrant. Vous voyez le point ici, réductionnisme, subsomptionnisme. Bon. Un petit néologisme. Réductionnisme, subsomptionnisme. Alors, subsomptionniste, ça c'est moi qui l'ai inventé, je pense que ça commence à sortir, ça fait 15 ans que j'en parle. Et vous avez deux manières d'étudier les choses. Vous avez la manière réductionniste qui consiste à décomposer les choses dans leurs éléments, et vous avez la manière des SHS qui consiste au contraire à faire des généralités sur les individus. Et donc ça, c'est le subsomptionnisme. Et ce subsomptionnisme rejoint le réductionnisme dans son erreur. Et excuse-moi, qu'est-ce que tu disais déjà, parce que je veux le relier à ce que tu disais. Oui, voilà, voilà. Non, alors moi je les classe dans le subsomptionnisme. C'est ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont faire leur généralité, qui vont rester dans le domaine de la généralité. Tu vois, ils vont te dire oh là là, vous intéressez pas aux cuisines, restez dans le monde que j'ai créé en plus. Hein, parce que je peux te dire que tout ça, c'est de la reproduction de la domination intellectuelle. Les mecs qui sont là que pour reproduire leur théorie. Et donc, ils veulent absolument pas qu'on s'intéresse à tous les phénomènes réels, quoi, à tous les événements réels. Donc, oui, Corcuff est vraiment dans cette veine, hein, complètement. Hein. moi, je le vois pas comme ça, Chouard, hein, pas vraiment. Je veux dire que Chouard ne nie pas l'incarnation des choses. Il dit, voilà, il y a un moteur qui est essentiel et qu'on doit arriver à atteindre. Et ce moteur, c'est la Constitution. Et donc, si on se mobilise pour arriver à prendre en main la rédaction de la Constitution, à ce moment-là, on arrivera à transformer le reste. Mais ça n'a rien à voir avec une position comme ça qui consiste à... Alors si, ça a à voir dans le sens qu'il est un peu intégriste. Hein. C'est vrai qu'il parle que de ça, il veut vraiment lancer ça de toutes ses forces. Ça, c'est sûr qu'il dit qu'il faut évacuer. Ouais, si, excuse-moi. Je vais un peu vite. Mais c'est pas la même disposition. C'est pas, il n'est pas intellectualiste. Il est mono... voilà, c'est ça. Monomaniaco-pratiqueur. voilà, il fait une priorité, voilà. Ouais. Mais bon, je lui ai parlé plusieurs fois et il a du mal à concevoir que même si c'est une priorité, il y a des choses secondaires par rapport à cette priorité qui peuvent être essentielles aussi, enfin, qui peuvent avoir une très grande importance. Donc c'est un peu agaçant à ce point de vue-là. Mais bon, c'est pas la même attitude effectivement que Jap ou que Corcuff, hein, qui sont beaucoup plus dans leur haute sphère. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et d'ailleurs, on va voir à la fin ce que pose comme problème le subjonctionnisme, hein, par rapport au pouvoir. Alors, je crois qu'on a tout vu d'important, hein. Matérialisme, idéalisme, formalisme, réalisme, singularisme. Bon, moi, je me situe plutôt à droite, hein, ici. Je fais partie des complexistes. Mais il faut voir que ça, on pourrait dire que c'est pas idéologique par rapport à l'autre versant, mais ça l'est. Ouais, voilà. C'est-à-dire, c'est pas que ça l'est, c'est que ça peut l'être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent aussi le panneau de droite pour idéologique, d'une façon idéologique. Et ça, c'est très désagréable. On croyait qu'on pourrait sortir grâce à ça de l'idéologie, et non, on y est encore. Pardon ? Oui. Alors, si on s'entend sur la constitution d'une idéologie, faisons-le, mais ne nions pas que c'est des idéologies, tu vois. Oui, mais voilà. Alors, bon, si c'est un... Oui, mais un besoin... Mais là, tu parles d'un besoin qui serait névrotique, tu comprends ? Je veux dire que si on ne nie pas qu'on en a besoin et que ce besoin conduit à quelque chose de mauvais, ça va, mais si on le nie, c'est névrotique, quoi. Alors, il y a une chose essentielle à laquelle même ta remarque, c'est que tout ça, tout ce que vous voyez, que ce soit en termes de religion, d'idéologie, de science et tout ce que vous voulez, il y a une chose essentielle, une question cruciale, c'est la question des prétentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que prétendent les discours des gens qui vous parlent ? Ceux qui vous parlent de science, ils vont prétendre qu'ils font le bien pour l'humanité, qu'ils découvrent la vérité vraie, que leurs théories sont absolues, voilà ce qui est important. C'est-à-dire qu'après, ils font leur cuisine, mais après, le public les accepte ou pas. C'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec le pouvoir. Un mec qui dirige un pays, il prétend qui dirige le pays pour le peuple qui constitue le pays. Hein, il prétend tout ça, il a des prétentions. Et donc, si vous mettez en cause ces prétentions, c'est là que vous l'attaquez vraiment. Parce que c'est... Mais bon, ça, c'est dans l'idéal. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai, mais... Pardon ? Oui, non, mais attention, il y a plein de scientifiques qui sont idéaux, je ne vais pas dire idéologiques, qui travaillent très bien, qui ont une attitude très bonne, mais le problème, c'est qu'ils participent quand même à un système qui pose des problèmes, et que s'ils ne les dénoncent pas, c'est des participants actifs, et donc, voilà. Donc c'est pas si simple. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Donc, ouais. Excuse-moi. Très, très contestable, hein, ce tableau. Hein. Je l'ai fait de manière un peu. Ouais. Non, sur des conceptions plutôt, hein. Ah non, oui, mais attention. Oui. Non, alors, non, ils ne sont pas interprétés pareil. C'est pas pareil. Non, non, parce qu'il y a tout un champ de, comment dire, de technologie et de technologie conceptuelle et de technologie technique entre eux et une réalité finale, quoi, hein, on dira. Et donc, ce champ va faire qu'il va y avoir des interprétations différentes qui sont dues aussi à la personnalité du chercheur. Et cette interprétation va orienter comment dire, la recherche. Elle va orienter la façon de concevoir le monde, elle va orienter la façon de faire des applications, elle va orienter les politiques, quoi. Oui. Ah, parce qu'il va l'inventer, tu veux dire? Non, non, parce que là, c'est comme je dis. Oui, mais je disais tout. Non, non, non, attention, parce que je disais que là, c'était un travail collectif qui permettait une meilleure robustesse de l'appréhension que vous pouvez avoir du monde. Hein. Là, on n'est pas dans un domaine complètement subjectif. Même si la subjectivité intervient à la marge, mais de façon importante pour la société, même si la personne intervient dans l'expérience, donc transforme l'expérience, comme je vous disais tout à l'heure dans le champ quantique, en surdéterminant les phénomènes, eh bien malgré tout, on obtient quand même une vision de la réalité qui est quand même assez solide, qui n'est pas simplement subjective, quoi. Oui, mais on part d'où on est. On part quand même d'où on est. Non, mais attention, le constructivisme extrême, là, tu parles de constructivisme, je crois. Ah oui. Non, alors oui, je. Oui, bah, c'est ça, c'est un peu extrémiste, ouais. Mais bon, le constructivisme de Lemoine, par exemple, est beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a, c'est. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais, non, non, non, attention. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que la science est toujours au pouvoir, entre guillemets, paradigmatique, parce qu'elle est extrêmement puissante. Et si elle est puissante, c'est en termes d'application, d'explication et quand même de compréhension. Donc, c'est quand même un champ qu'elle couvre de façon remarquable, mais ça ne va pas sans problème, c'est évident. Mais disons que la subjectivité est quand même bien mieux écartée que dans d'autres domaines. Maintenant, est-ce qu'il faut écarter la subjectivité? C'est une question. Je veux dire, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Ah bah oui, bah ça. Ouais. Ah, c'est comme ce que disaient des proches, alors. Ah oui, ah bah ça, oui, ça. Oui, voilà. Ah, c'est exactement ça. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le scientisme. Hein. Globalement, c'est le scientisme, toutes ces idéologies, c'est l'idée que la science va nous sauver, que la science découvre des vérités absolues, que la science est comment dire, au-dessus de tout. Hein. C'est vraiment le. Non, non, non, non, non. Non, c'est pas Scientologie. Hein. Excusez-moi. Ouais. Ah non, non, mais le scientisme, c'est une idéologie. C'est pas moi qui ai inventé là. Hein. Non, attention. Ouais, non. Non, moi, ce que j'ai inventé, enfin, entre guillemets, hein, comme néologisme, c'est plutôt le subventionnisme, contextualisme, enfin, quelques termes comme ça qu'on va retrouver quand même ailleurs. Mais allez, on continue, on essaie d'avancer. Alors, on va essayer de conclure. Enfin, non, c'est pas. Alors, l'idéologie, qui pense la science, on l'a vu. Qui subventionne la recherche et le développement? La recherche et développement, je veux dire. Alors, ouais, bah, oui, c'est exactement, c'est ça. On va prendre le cas des États-Unis, qui est le cas évidemment le plus emblématique, puisqu'il représente la majorité des budgets scientifiques de la recherche. Alors, sur 368 milliards de dollars, 40% des dépenses mondiales sont faites aux États-Unis. Donc 40% des dépenses mondiales en termes de recherche et développement sont faites par les États-Unis. 268 milliards viennent du privé. Vous voyez, hein? C'est pratiquement la plus grande partie. Donc si le privé investit dans la recherche, vous imaginez qu'ils attendent un retour sur investissement. 180 milliards vont aux militaires. Ça veut dire que, et encore, on se demande si c'est pas plus, hein? Donc la majorité des budgets sont investis dans le militaire, de la recherche, hein. Bon, après, vous voyez que c'est un cas qu'on peut prendre isolément de tous les autres, puisqu'il représente 40% de. Alors, il faut savoir qu'en France, toutes les recherches qui sont en pointe au niveau de la physique, et de quelques autres domaines comme la psychologie, ou enfin tous les domaines en fait, mais disons qu'ils vont peut-être pas aller dans le domaine de l'archéologie, eh bien toutes ces recherches sont prises en charge en partie par la DARPA, ou comment dire, les agences américaines de défense, qui dépendent du DoD, du Department of Defense, et avec obligation de secret défense. C'est-à-dire que les gens qui vont découvrir dans plusieurs domaines des choses extrêmement pertinentes vont devoir avant tout les fournir à la DARPA ou à d'autres agences américaines avant de le fournir au public, avant de les fournir au public. Donc en France même, dans tous les pays du monde, vous allez avoir des laboratoires qui travaillent en priorité pour les agences militaires. Donc il faut savoir que ça se passe comme ça, et c'est drôle. Ça, c'est un phénomène qui vient de l'après-guerre. C'est-à-dire que les Américains n'avaient pas du tout de recherche scientifique sérieuse jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu l'émigration des chercheurs occidentaux, notamment juifs, hein, mais pas seulement, en Amérique dans les années 30. Et tout d'un coup, les États-Unis se sont retrouvés avec un domaine scientifique extrêmement opératif, et ils se sont rendus compte par la même occasion que la science permettait de changer le visage de la guerre. Enfin, elle permettait de gagner la guerre. Alors là, c'était double bénéfice. Et ils se sont retrouvés avec une recherche militaire extrêmement puissante. C'était 2000, je sais pas si c'est 12 ou 15. 12 ou 15, mais c'est pas vieux, hein. Ouais, c'est pas vieux. Ouais, c'est 12 ou 15, c'est la deuxième décennie, hein. Ouais. Donc voilà, qui en fait la communication de la science, des recherches scientifiques, des résultats? Qui fait la communication? Elsevier. 16% des revues, dont Nature, je crois, hein, ou c'est Springer Nature qui, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. Ils ont 16%, c'est un marché énorme. 7%, 7,6% de chiffre d'affaires, 40% du marché. Je crois qu'ils ont un taux de croissance de, je ne sais plus combien, 18%, quelque chose de complètement délirant. Pourquoi? Parce que ces gens ont pris en charge toutes les revues scientifiques les plus importantes, qu'ils reçoivent les recherches des scientifiques qui travaillent pour eux bénévolement, qui leur fournissent bénévolement leurs recherches, et eux revendent leurs revues aux universités et aux agences de recherche à prix d'or. Donc ils se font un bénéfice monstrueux, Et là, on est en train, enfin, il y a des gens qui travaillent à changer la situation, notamment en créant des publications online gratuites. Et bon, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, ce sont ces agences qui se partagent le marché, 40% du marché pour 4 agences. 1, 2, 3, 4. C'est pas encore arrivé, mais. Ah bon, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok, parce que sinon il y a. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ah oui, bien sûr, ouais, il y a. Bien sûr. Ouais. Non, c'est pas gratuitement, effectivement, même si c'est une obligation. C'est une obligation statutaire, enfin. Ouais, voilà. Ouais. Attends, de quoi tu es en train de parler? Des contradictions faites aux autres recherches ou quoi? Non, j'ai pas. Ah oui, mais pourquoi ils peuvent pas c'est refusé? Oui, ouais, voilà. Donc c'est elles qui font, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Et notamment, voilà. Et notamment les recherches qui contredisent d'autres recherches qui servent à l'industrie ne sont pas publiés. Et on a un papier qui est de lobbyisme infernal, enfin dégueulasse, que j'ai revu hier là, d'un mec qui écrit dans Science et Avenir, donc journal anodin et très connu. Ce mec-là écrit les grandes fraudes de la science et met en encart, en exergue, le fait que le papier de Gilles-Éric Séralini, qui contredit et qui montre plutôt l'incidence ou la nocivité des produits de Monsanto, là, non, non, oui, des OGM aussi, ouais, des OGM et du. Non, pas du glyphosate, justement. Pardon? Ouais, du désherbant, mais. Voilà, des adjuvants, mais du. Non, du Roundup, du Roundup. Donc voilà, machin, le pauvre, ça l'a mis. Gilles-Éric Séralini fait une expérience qui vaut toutes les expériences des autres chercheurs dans le domaine et qui vraiment les dépasse de loin. Et ses résultats montrent une incidence nocive des produits de Monsanto, Roundup et OGM. Et il y a une publication qui le publie. Et après, ça provoque un tel tollé dans le monde, un tollé de lobbyistes uniquement, c'est-à-dire que les mecs ont injecté énormément d'argent pour provoquer un tollé, que le papier est retiré et ensuite des revues comme Science et Avenir osent prétendre que c'est une fraude. Et ça, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Ah oui. Ouais. Ouais, il a été. Enfin, donc il y a tout un travail de lobbyisme des entreprises. Alors voilà, donc je parlais des communications. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le papier de Séralini avait été rejeté, il avait été enlevé de la publication parce qu'un individu s'était mis à la tête du comité de vérification et que cet individu était un lobbyiste. Et tout simplement, ils avaient changé la tête des examinateurs des recherches, et le mec avait jugé que ces recherches étaient nulles et non avenues. Et alors que, aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui prétendent que, alors on va jusqu'à des taux très importants, de 70% des articles scientifiques qui sont sortis dans ces revues sont nuls et non avenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont ou bien pas de pertinence, ou bien ce sont des plagiats, ou bien ce sont des fraudes. Donc il faut savoir que, et en particulier dans le domaine médical, la plupart des recherches dans le domaine médical sont des aberrations. Et Serralini a lui-même écrit un papier qui lui est passé et qui a montré que toutes les recherches qui sont faites sur l'alimentaire sont nulles et non avenues parce qu'on ne considère pas la différence entre des produits qui sont traités aux pesticides et ceux qui ne le sont pas. Et il a montré que selon les recherches qui avaient été faites avant, on était obligé de considérer la différence et que donc, comme en général dans les recherches scientifiques, on ne fait pas la différence, ça veut dire que tous ces papiers ne valent rien. C'est ce dans quoi j'ai travaillé pendant 10 ans. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Donc, oui, je voulais faire remarquer, par exemple, que tout le... Ah, je ne sais plus par où partir, là. Je vais continuer parce que... Bon, je vais quand même raconter l'histoire des sciences cognitives, quand même. Donc, je vous avais dit que dans les années 90, il y avait eu un basculement où on avait abandonné tout ce qui était complexité et tout ça, et toutes les nouvelles façons de voir qui étaient censées apporter de la démocratie et du réalisme dans les recherches. Et ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va inciter les laboratoires à demander, va obliger même les laboratoires à demander des fonds aux industries privées. Et donc, des instituts comme le Collège de France ou Curie, des choses comme ça, sont obligés de recevoir des fonds d'industrie comme L'Oréal, comme l'Imagrin, l'Imagrin, Bayer, enfin toutes ces industries. Voilà. Donc les laboratoires ne fonctionnent maintenant qu'avec des industries, sauf exception, puisque j'ai un copain qui travaille, qui est chercheur, qui est directeur de recherche au Collège de France. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas accepté de fonds, mais alors on ne lui envoie plus d'étudiants. Donc là, à la fin de l'année, il devrait se retrouver seul dans son laboratoire s'il n'accepte pas des fonds d'industrie privée. Donc voilà comment ça fonctionne. Oui, ça fait partie du scénario. Je ne sais pas comment sont les recoupements. Hein. Maintenant, tout est entrecroisé, là, et je ne sais plus de quoi ils font partie. Ah bah oui, bien sûr. Ah non, mais au CNRS, ça se passe pareil. Ah non, mais c'est pareil, c'est pareil. Maintenant, on n'accepte plus, c'est pareil. J'ai la dernière, je connais, enfin, j'ai pour ami la dernière philosophe qui a intégré le CNRS. Parce que maintenant, c'est fini, les philosophes, maintenant, il nous faut des gros chimistes, des gros physiciens. Ouais, non, non. Ouais. Donc, quel est le projet de société? Attention, vous allez le découvrir tout de suite. J'ai appelé ça le projet Exit, le projet du Horla. Ouais. Alors, le projet Exit, voilà comment il se définit, notre projet Exit. Vous voyez? Hors sol, hors nature, hors racine, hors planète, hors ventre, hors évolution, hors cerveau, hors réalité. Donc vous avez le hors sol. Il y a déjà des fermes qui existent, on appelle ça les fermes verticales, fermes en étage. Donc c'est pas grave, on peut pourrir la terre, on peut la tuer, on va faire des fermes en étage. Pardon? Non? Oui? Seul. Ouais, voilà. Mais ça permet de justifier le hors-nature, ce que j'appelle le hors-nature ici, qui est le mégapole. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de terre, on l'a tué en grande partie, notamment en Beauce, en France. En aspergeant de pesticides, et maintenant avec les OGM, on va pouvoir la détruire un peu plus. Et donc, on peut étendre les villes et faire des mégapoles comme en Allemagne. Hein. Ensuite, vous avez hors racine, c'est la culture du mondialisme, c'est-à-dire qu'on a plus de culture traditionnelle, on a plus. Alors, bon, il y a des gens qui peuvent défendre ça, hein, mais ça fait partie d'un plan général, hein, donc il faut voir. Voilà, les peuples sont appelés à bouger quand ils ont de l'argent et à rester dans leur misère quand ils n'en ont pas. Hein. C'est vraiment le nomadisme du bourgeois contre la misère sociale. Ensuite, vous avez leur planète, terraformation de Mars. Hein. Vous croyez que c'est du délire? Eh ben, on met de l'argent en masse dans cette recherche. Les Américains, essentiellement. Hein. Terraformation, tu vois l'envoi des satellites, on va envoyer des êtres humains dans des stations spatiales. Ensuite, il est question de les envoyer sur Mars. Donc, oui, voilà. De sauver la planète. Ouais. Voilà, c'est ça, hein, c'est la question. Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, le hors-ventre, de plus en plus, on arrive à joindre les deux bouts d'une naissance prématurée avec une fécondation tardive. Donc on arrive avec le développement plutôt d'un embryon in vitro après comment dire je m'emmêle les pédales. Vous avez donc on arrive à développer un embryon qui vient d'être conçu le plus longtemps possible et on arrive à faire naître le plus tôt possible des bébés. Et donc, les deux ont tendance à se rejoindre. Et à un moment donné, on arrivera finalement à développer des bébés in vitro. Hein. Pardon? Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc ça, on n'en est pas loin. Ensuite, on a le hors évolution avec les manipulations génétiques. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a développé plusieurs techniques de manipulation qui sont d'une efficacité redoutable à ce point que ces imbéciles de décideurs politiques encourage les petits biologistes à faire leurs expériences chez eux sur leurs paillasses et à faire des manipulations dans tous les genres, parce qu'on a bon, ça s'appelle CRISPR-Cas9 et etc. C'est ça. Alors, le problème. Oui. Ah, c'est toujours la question, hein. Mais. Alors, on est coincé, effectivement, on est face à un problème très fort. La seule solution que j'entrevois et qui est la solution face à la puissance, c'est le même problème, effectivement, c'est la démocratie à outrance. C'est-à-dire vraiment arriver à mettre à tous les échelons, pas simplement en démocratie participative, etc. Il faut mettre à tous les échelons la participation démocratique. Il faut faire des formations d'épistémologie, etc., de critique des sciences, et non pas de présentation de fête des sciences où on va faire la fête de la science en montrant que la science est formidable. Ça, c'est une absurde, c'est scandaleux. Tous ceux qui critiquaient la science, comme Lévi Leblond, je ne sais pas si vous connaissez, tout ça, un ami à moi, qui maintenant écrit des livres pour dire que la science est formidable. Non, mais on rêve. Alors que le mec, il est en plein dans la problématique scientifique, bien plus qu'à l'époque où il écrivait des critiques. On est en plein délire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, mais. Ouais. Ah oui. Oui, non. Alors, moi, je pense que d'abord, il a pris de l'âge. Comme tous les marxistes, maoïstes, tout ça, des années 70, ils ont tout viré conservateur, réactionnaire, etc. Hein. Donc, et il faut voir que lui... alors, c'est un mec... ce sont des libertaires. Ils jouissent de la vie. Tout d'un coup, ils prennent peur parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils rentrent dans un monde de compétition. À ce moment-là, ils se rattachent à leur fonction, à leur statut. Et lui, il est scientifique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner scientiste. Et il ne se rend même pas compte qu'il a tourné complètement scientiste, quoi. Et Testar n'a pas tourné. Testar, alors qu'il est très critiqué par les anti-sciences, hein, malgré tout. Mais... Très vite, ok, d'accord. Ah ben, on parlera au café ou si vous voulez. Hein. D'accord, ouais, je termine. Alors, hors évolution, manipulation génétique, hors cerveau, il y a déjà des entreprises qui proposent l'enregistrement de la mémoire cérébrale, mais c'est pas prêt d'être fait, mais disons qu'on tourne vers ça. Et puis, bon, il faut voir qu'on va vers une intelligence artificielle. Hein. Moi, je suis une des personnes qui dit qu'on va certainement arriver à produire une intelligence artificielle si on ne meurt pas avant. Et hors réalité, on incite les jeunes à aller dans la réalité virtuelle au maximum. Donc on quitte le domaine de la réalité. C'est bien pire encore que le domaine de l'argent parce que là, on est vraiment l'objet de toutes les manipulations possibles. Donc voilà le paradigme technologiste dont je parlais, le transhumanisme. Le transhumanisme qui paraît être une idée loufoque, qui consiste à vouloir connecter le corps humain à la machine et à faire tout un tas de choses comme des êtres bioniques, des intelligences artificielles, tout ça. Pour les gens, c'est une rigolade. Le public, on va leur parler de ça, ils vont rire. Or, ce sont les plus grands décideurs qui sont attachés à cette évolution. Hein, on va avoir Bill Gates, on va avoir des décideurs politiques américains de haut niveau qui sont bien plus importants que certains présidents américains qu'on nous présente comme les maîtres du monde. Voilà ce par quoi je vais finir. Vous avez ici une représentation de l'expérience du boson de Higgs. C'est grâce à ça qu'on a découvert l'une des choses les plus difficiles à découvrir de notre début de siècle. Ici, vous avez quelqu'un qu'on a présenté comme le maître du monde. Ce mec-là, je ne sais pas s'il a une mentalité d'un enfant de 15 ans. Je l'ai rencontré, je l'ai vu parler en face de moi. C'est un débile mental. Hein, d'accord ? C'est le maître du monde. Et... Non, il a l'air sympathique. oui. Pardon ? Ouais, non, ouais, mais... Ouais, non, non, mais je pense que ça n'a rien d'équivalent. Ouais, Trump est très intelligent par rapport à lui. Ouais. Non, non, non, pas du tout. Non, non, excuse-moi. Non, je ne l'ai pas rencontré, je l'ai écouté parler en face de moi, si tu veux. Hein. Moi, je ne lui ai pas parlé. Mais tous ces professeurs à Yale refusaient de le revoir parce qu'ils considéraient que ce n'était pas possible, quoi, que un mec comme ça ne pouvait pas être président. Donc, vous avez un gap énorme, monstrueux, entre une recherche scientifique de pointe qui fait des miracles et un pouvoir politique qui est absent, qui est dans la conscience des gens. C'est-à-dire que les gens vont se laisser embobiner en se laissant dire que ce mec-là est le maître du monde. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que dans nos milieux militants, il y ait des gens pour répéter une telle connerie ? Et ne pas aller chercher plus loin, ne pas aller voir qui sont vraiment les maîtres du monde et vont par contre aller suivre des gens comme Japp ou Corcuff en disant « Ah, la théorie, peu importe le personnage qui a la tête, et tout ça. » Et ça, moi, je trouve ça scandaleux. Mais voilà, la science, c'est zéro, parce que la société, c'est zéro. Vous voyez le problème ? Et je vais terminer par un proverbe chinois, ou sartois peut-être. Peut-être sartois d'ailleurs, je crois. Hein. Un proverbe sartois qui dit quand une vache est compulsive, mange compulsivement de l'herbe, c'est qu'elle a, elle croit que la terre est ronde. Et non, la vache cherche la courbe. Ça veut dire qu'une connaissance comme la terre est ronde, pour une vache, pour un marcheur, ça n'a aucune utilité. Donc la vache, compulsivement, comme le névrotique ou le psychotique du comique, là, eh bien, elle va chercher la courbe de la terre ronde, et donc elle va s'enfoncer dans la terre plutôt qu'autre chose, elle va se détruire. Là, on se retrouve avec une connaissance qui est extrêmement développée, mais qui ne nous concerne que marginalement. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un problème. C'est la même chose avec le réchauffement climatique. Mais qui est assez absurde pour penser que la Terre ne va pas pâtir des destructions qu'on lui fait subir et que nous, on ne va pas pâtir de la destruction que la planète subit ? Qui ne va pas être assez... Oui, voilà. Alors voilà, s'il y a un problème de croyance. Mais vous vous rendez compte qu'on a créé le GIEC pour nous faire croire, pour nous affirmer qu'il y avait un danger avec l'industrie polluante. C'est absurde. On est face à des absurdités monumentales. Non, l'argent, c'est une Ah bah oui, mais on fera... Oui, c'est un des combats. Bon, merci beaucoup Johan pour cette belle présentation et cette discussion. Et donc on clôt voilà cette journée éducation populaire à la boutique pédagogique. Et on vous donne rendez-vous à tous demain à 14h, place de la République, pour discuter de la santé dans la société qu'on veut. Voilà, merci beaucoup.